llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Me voy acercando hacia ti y te digo suave al oído. Escúchame, mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso, mami. Yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Me muero por llevarte. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Une bonne journée, une super journée ou une journée de merde. On va savoir ce qui s'est passé dans ta journée tout à l'heure. Jonas Blue. C'est pas forcément Jonas Blue qu'on va entendre, mais c'est surtout Jonas Blue qui va venir. Oui. Et il va mixer. C'est lui qui avait fait ça, Jonas Blue. Je crois que maintenant c'est un nouveau truc, ils appellent ça de la tropical dance. Oui, mais bon, ça change. J'ai envie de bouger la tête. Quoi. Ouais. Ah, ça marche. Ça change tellement souvent. Truc, ouais. Bon, j'espère que vous avez passé une belle semaine, que tout va bien. Tout à l'heure, nous aurons un check tombahu pour mettre le label qualité Coé. Je sais que vous kiffez, c'est le check tombahu. Ouais. Il y aura le ils sont cool ou pas. On aura un devine qui c'est. Ça fait longtemps, on n'en a pas fait beaucoup cette semaine. Oui, c'est vrai. Des devine qui c'est. On fera un super jeu. Vous réentendrez des trucs de dingue qui s'étaient passés. Et puis pour le comment s'est passé ta journée, avant de dire bonjour à Delphine, comment s'est passé ta journée, Julie? Faut Merci. Vraiment que je dise ou pas? Ah, non. De la merde. Qu'est-ce ah, se de passe la merde. Non. Ah ouais. Que des tannasses en ce moment. T'es sérieuse? Ah ouais, je suis sérieuse. Ouais. Ouais, ouais, je vais pas vous dire quoi. Non, après, moi, je vais vous dire quoi. Moi, je vais vous dire, ce avec quoi Julie me casse les. Ah bon, tu vas dire quoi? Depuis trois jours. Je vous fais Julie. Hein. Ouais, j'ai peur, je sais pas ce que tu veux dire. Dis-moi, Coco. Super important, faut que je donne la réponse. Tu veux pas aller au nouvel hôtel branché à Cannes où il y a une piscine sur le toit parce que Manu il va là-bas et il paraît non, que c'est Manu, super. Non, Manu il va pas là-bas. Ouais, mais il paraît que c'est trop génial, il y a une piscine sur le toit. Donc vous me connaissez, j'ai rien à foutre qu'il y ait une piscine sur le toit, on est au moins niveau au mois de novembre. Oui, on va pas se baigner là-bas. Je lui dis mais moi j'aime bien le Martinez, on a nos habitudes. Ouais, mais l'autre quand même, c'est le truc super hype. Ah, c'est en ce moment, c'est là où il faut aller. Place, c'est quoi, ça change, les gars, faut changer voilà un peu. Voilà donc la préoccupation de Julie, parce que trois fois par jour, je lui dis non. Non. Et trois fois par jour, Coco, j'ai regardé les photos. Ça le Martinez, c'est un peu vieilli. Hein. Ouais, ça vaut quand même le coup, parce que c'est le nouveau truc à la mode. T'as vu les photos? Bah, je fais oui, c'est des chambres avec. Ouais. Mais quand même, c'est pour changer un peu, les gars. On est tout le temps au même endroit. C'est juste pour changer. J'aime cet endroit. J'y peux rien. Ouais, il envoie du pâté quand même. Ah ouais, c'est voir. Voilà. Donc voici la grosse tanasse de Julie depuis 3 jours, c'est que je lui dis pas oui pour son hôtel. Mais non. Donc elle est, mais elle je est m'en énervée. Fous, en plus du moment qu'on est ensemble, c'est principal. Mais oh là là, écoutez, excusez-moi. Elle a raison, faut qu'on voit quand même. Ouais. Bah ouais. C'est pas mal quand même. Moi les amis, je suis basique. Moi quand je vais à la mer, il faut que j'ai vu sur la mer. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Ouais, mais ouais, quand on va à Martinez, toi t'as vu sur la mer, nous on a vu sur les poubelles. Les poubelles. Voilà. Donc je préfère avoir vu. C'est pas vrai. Eh oui. C'est à chaque fois. C'est pas vrai. Il y a une telle différence de traitement entre vous et moi. Vous êtes sérieux? On prend le même ascenseur, mais sinon nous on a vu sur les poubelles. Vous fois. Déconnez, vous êtes non, sérieux, c'est vrai. Non, non, c'est sérieux. Il y a une telle différence de traitement entre moi et vous. Oui. C'est normal. C'est normal. Mais c'est moche. Mais c'est moche. C'est pour ça qu'on se croit de ta chambre. Vous êtes en train de me dire que vous ne voyez pas la mer. Non. Non. Oh là là. Que de ta chambre en fait. Parce que moi j'ai toujours une très belle vue. C'est pour chaque ça fois que j'ai des snaps de ma voilà. C'est pour ça que dans cet hôtel il y a la piscine sur le toit. Donc si on va prendre le petit déj où il y a la piscine sur le toit, on pourra avoir vue sur la mer. Mais je comprends mieux. Et pareil au resto où on va tous manger, nous on a jambon coquillette à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Et toi non? Vous rigolez ou quoi? Et toi t'as le saumon et tout. Plaisante. Hein. Oh là mais là. Non, je mange la même chose que vous. Je rigole, c'est pas vrai. En plus pour le coup cette année je vais pas vous faire chier, je mange moins qu'avant. Donc ça va aller. D'accord. Oui. Voilà donc la grosse tanasse de Julie Piette. C'est ça. Non, non, mais je vais pas raconter non plus, j'aurai de merde. J'ai passé la même que Pietre. Bonne équipe. Non, oui, bah, si. À cause de moi un peu, mais. Un peu, ouais. Vous êtes sérieux? Ouais. Attends, je vais te faire plus simple. Quelqu'un a passé une bonne journée dans cette équipe? Ah, Stouf, ça va toi? Moi, nickel. Oh, mec. Bah voilà. Pas de soucis. Merci, ma Stouf, ça me fait plaisir. Voilà. Delphine. Oui. Comment s'est passée ta journée, ma chérie? Salut Koé, salut tout le monde. Salut toi, bienvenue. Ne demande pas aux autres comment ils vont, c'est rien. J'ai cru comprendre que c'était pas le top. Bah écoute, moi, ma journée, elle était nickel. C'était une bonne journée. Écoute-nous ton bonheur à la gueule. J'ai vu mon ex faire des cartons toute la journée parce que demain il s'en va. Je retrouve ma liberté, donc je suis aux anges. Et tu te sépares et t'es contente? Mais oui, non, mais attends, ça fait 2 mois qu'on est en coloc et que c'est juste insupportable. Ah, ça doit donc être oui, chiant. Là, je suis contente, oui. Ça doit être moi, horrible. J'ai vécu ça, moi. J'ai vécu ça. Quand de vivre, de séparer, mais le temps de faire les démarches et tout. Tu vois, c'est ça. Moi, j'ai vécu donc ça. Là, je ne peux être que contente. Et plus de 2 mois. Longtemps. Ah, et je peux vous dire que c'est une situation. Et qu'il est, il est dur le canapé. Hein. Ouais. Vous exagérez. Non, je sais pas qu'il est dur le canapé, mais même la situation, elle est. Je pense qu'il y en a qui vivent ça, là. C'est des trucs. C'est plombant, quoi. Des fois, t'es plus ensemble, mais tu peux pas. T'as pas le choix. T'as pas d'appart pour autant à côté. Ouais. Non, je te comprends. Mais toi, tu prends le sourire, parce que maintenant, tu vas pouvoir péter toute seule dans ton lit. C'est pas vraiment ça, mais bon voilà, rien que le fait de sortir de cette situation là, voilà, je suis contente. Et ben ça me fait plaisir. C'est un nouveau départ pour chacun. Ça me fait plaisir d'avoir au moins une personne contente en ce vendredi soir. Je te fais un gros bisou ma chérie, je t'embrasse. Gros bisous. Bisous. Ah ouais, là toutes les femmes célibataires Bridget Jones weekend. Pourquoi célibataire pas parce que c'est un peu la revanche. Moi j'y vais, Stouf, on va y aller tout à l'heure. Ce soir on y va. C'est un peu les films de la Desperate Housewives quand même. C'est un peu les films de on mange des gros pots de glace devant la télé, quoi, c'est ça. C'est un peu les. Ouais, hein. Ouais. Voilà. Bien. c'est le nouveau Bruno Mars. Oui. Écoutez ça. C'est de l'exclu énergie, ça. Vous kiffez Bruno Mars. Voici le tout nouveau. C'est chez nous. On est sur énergie. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on. Put your pinky rings up to the moon. Woo. Girls, what y'all trying to do? What y'all trying to do? 24 karat magic in the air. En pleine forme et que tout roule et que vous allez passer un beau week-end. Ouais. Oui, mais quand même, tu devrais choisir au niveau de l'hôtel parce que, quand même, c'est quand même que tu réfléchis parce qu'au niveau de l'hôtel. Mais t'es sûr ? Mais t'es sûr ? Oui, Julie. Les chambres sont jolies. Quoi. Ouais, mais elles sont jolies partout. Enfin, les miennes, la mienne. Ouais, voilà, on te laisse tout seul et nous, on va à l'autre. Bon, dans un instant, je vous dirai le top 10 des plus grandes peurs des hommes avec le sexe. Oui, parce qu'on a beau être des hommes, on a beau être fiers, on a beau être courageux. Bah, des fois, on n'est pas sûr de nous tout le temps. Et des fois, on a des petites peurs. C'est vrai. Ça va, Morgane ? Oui. Bienvenue chez nous, Morgane. Ça a été ta semaine ? Non, pas trop. Bah non, hein. quand on commence son mail par je suis dans la merde, si tu m'avais dit oui, j'ai passé une très bonne semaine. Je vais vous lire le mail de Morgane. Je suis dans la merde. Je vais être viré de mon collège parce qu'en fait, avec ma classe, on a créé une conversation en groupe privé sur Messenger et dedans, on taillait les profs et surtout, il y a des photos des profs qu'on a trouvées sur leur Facebook qu'on s'est envoyées. Vous avez remarqué, je n'ai pas ri. Qu'on s'est envoyées dans cette conversation en faisant des montages avec des mots vulgaires. Et qui est tombé dessus ? Et une maman de quelqu'un qui faisait partie de ce groupe a tout balancé à la directrice de mon collège. Ça, c'est moche. Très moche. La directrice a convoqué mes parents et les parents des trois autres potes et du coup, on a un conseil de discipline et les profs veulent porter plainte contre. Ça a toujours existé. Et là, il nous dit, et là, je finis le message. Mais ce qu'on a dit par message, ça ne les regarde pas, c'était privé. Bah ils ont raison. Ah oui. Ouais, mais à partir du moment où tu fais un groupe et que tu ouvres ton groupe à des gens, c'est plus privé. On est d'accord, mais c'est entre élèves. C'est un groupe privé. Oui, c'est comme s'ils se parlaient dans la cour et qu'ils insultaient. Alors, je vais poser la question. C'est comme nous, si on faisait un groupe entre nous et on balançait des photos d'autres personnes, on s'en moquait. Morgane, qu'est-ce qu'elle foutait dedans, la mère de quelqu'un, alors si c'était une conversation privée ? Non, mais il y avait son fils dans le groupe. Bah voilà. Elle a pris le téléphone et elle a décidé de tout envoyer en fait. Un groupe c'est privé justement. Quand tu montes un groupe de discussion, à part les gens qui sont dans le groupe, personne n'y accède normalement. Ouais. Mais ça dépend aussi. Photos des profs. Après, ça dépend du contenu. Mais les photos des profs, s'ils ont été les chercher sur les Facebook, c'est que les Facebook, public. Les pages étaient publiques. Je pense que c'est pas ça que les profs ont. C'est qu'est-ce qu'il y avait d'écrit comme commentaire. Mais tu t'en fous, c'est non, privé. T'en fous pas, Julie. Excuse-moi, pardon. Il y aurait ta tête, tu serais prof, il y aurait écrit cette nana, elle a une bouche à faire des machins. Mais on l'a tous vous fait. Vous avez vu, je dis plus un mot vulgaire. Oui, c'est vrai. Je suis devenu CSA, je porte des fringues CSA, je m'habille CSA, je mange, je prends des petits déjeuners. C'est la mode de cet hiver. Je suis CSA kaki. Je suis blague. J'ai un militaire du CSA maintenant. Mais franchement, on l'a tous fait. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais on l'a tous fait de se moquer des profs, de faire des groupes. Qu'est-ce qu'il y avait écrit ? Alors attention à ce que tu dis, parce que maintenant, même ça. Il y avait une photo de notre prof des étés et elle avait les mains un peu fermées, comme si elle était sur un vélo. Et c'était écrit je fais des roues arrière sur le cul de ta mère ou quelque chose comme ça. C'est drôle. Il y en a une autre, toujours la prof des étés, elle était dans une grotte. Et elle a dit, c'était écrit en direct de la chatte à ta mère. T'as oublié de mettre les bips là, Coco. Ah oui, pardon. Ça pouvait être des paroles de Jules. Ouais, ça c'est une demi-parole d'album de Booba, excusez-moi. Ouais, franchement. Bon, les amis, non, je fais du la roue arrière sur le cul de ta mère, ça me fait assez rire. Bon, mais oui, mais non. Il y a un Mais la mère n'aurait jamais dû fouiller dans le téléphone de son fils et n'aurait jamais dû le donner. Julie, pourquoi elle va le donner au lycée? C'est quoi l'intérêt? T'oublies un détail. Ils n'ont pas 17 ans, ils en ont 14. Mais même, et c'est quoi l'intérêt? Et qu'il y a un âge où on va te laisser un peu plus faire des conneries. Je suis sûr que ça se défend, ça. À cause de cette mère-là, ils vont peut-être se faire virer. Ouais. Alors moi, je pense que l'argument que vous devez avoir, Pietre, il l'a dit, c'est que l'argument, vous étiez dans une conversation privée. Ouais. Et une conversation privée, on n'a pas le droit de rentrer dedans. Et sauf que elle comprend pas. Ouais, mais ça, je suis sûr que. Enfin, je vais pas vous demander si d'aller chercher. Enfin, ouais, si un avocat, mais avec un avocat, ça se défend. Ouais, un avocat. Un délégué. Mesdames, messieurs les jurés, la peine de mort n'est pas méritée. Hey, oh, si ton gamin, ton fils ou ta fille se fait virer du collège ou d'un lycée, ça vaut le coup. Le hein. gros problème, c'est que ces conversations privées, je pense que ça marche quand t'as 18 balais. Quand t'en as 14, est-ce que t'es pas sous la responsabilité des parents? Et est-ce que t'es pas sous la responsabilité? Un gamin qui écrit des trucs, souvenez-vous, quand il écrit des saloperies et qui se fait toper par la justice, c'est souvent les parents qui prennent. C'est aux parents de tenir le gamin. Mais donc, là, c'est la maman qui a dénoncé les enfants. Fils va prendre, en plus, elle est bête. Ouais. Bah ouais, mais. Elle dénonce son fils, les copains de son fils, et son fils va peut-être se faire virer du collège à cause d'elle. Mais je pense que quand t'es mineur et que tu joues avec les photos des profs et tout, t'as pas 18 ans. T'aurais 18 ans. Mais tu joues pas avec les photos des profs, attention, Pietre a raison. Ils n'ont pas été ridiculisés en public et tout. Tout ce qui est sur Facebook, toutes les photos qui sont sur Facebook, malheureusement, sont publiques. Oui, non, mais c'est pas les photos qui gênent, c'est les commentaires. Les commentaires. Sur le cul de ta mère. Oui, c'est ça. On n'a pas affiché sur notre profil, on y a juste gardé dans la conversation les photos. Ça tient pas à leur histoire. Moi, je pense qu'à un moment donné, c'est pour vous faire peur. Ouais. Et à un moment donné, vous vous excusez, mais vous devriez dire ces conversations sont privées, ne vous regardent pas. Qui va te représenter? T'as tes parents qui vont rentrer dans l'histoire? Tes parents, ils en disent quoi? Bah, en fait, ils ont été convoqués donc chez ma directrice. Elle leur a dit que j'avais un conseil de discipline avec mes potes. Et donc, les profs voulaient porter plainte contre lui. Que dalle, ça vaut rien. Et on peut pas appeler le bahut? Non? Je vais vous dire un truc. Et à un moment donné, les virer. Non mais Julie, les virer, je pense que ça tient pas. Je suis d'accord. Et en même temps, je comprends aussi le collège, parce que là, depuis tout à l'heure, on a l'impression de dire ah c'est rien. C'est pas rien. Quand t'es un prof, non Julie, quand t'es un prof et que tu te fais ridiculiser par tes élèves, je comprends que les élèves soient vexés. Et depuis alors la nuit des temps, ça existe parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Julie, c'est pas parce que tu. Et alors, à l'époque, tu te faisais gauler avec un dessin où tu disais je fais de la roue arrière dans le cul de ta mère. On te prenait ton dessin, tu te faisais gauler, tu te faisais virer du cours. Non, du bahut. Conseil de discipline. Quand c'est des insultes, tu peux aller au conseil de discipline. Ça va si loin. Bah évidemment. Bah, conseil de discipline, c'est normal. J'ai jamais eu. Moi, je trouve ça normal qu'il y ait une sanction parce que quand même, faut respecter. Excusez-moi de faire vieux con, mais un prof, ça se respecte. Et à un moment donné, tu peux pas dire ah c'est rien, allez-y. Mais ils l'ont pas dit en face, ils l'ont pas dit en public. Ouais. Mais c'est pas le problème. Ils ont fait pas choper. Fait des affiches dans le collège. Ils sont mineurs, ils ont 14 ans, ils ont tenu des propos. C'est normal qu'ils se fassent engueuler. Sur le principe, c'est normal qu'il y ait un conseil de discipline parce que voilà, c'est pour éviter qu'après les débordements, que les autres ils disent attends ciseaux. Voilà. Rien eu. Après, tout le monde va s'y mettre. Et là, non, mais tu mets des heures de colle, tu mets des trucs comme ça. Il faut du respect. Ça s'est pas passé dans l'enceinte du lycée. Ça s'est pas passé devant eux ni devant tout le monde. Maintenant, c'était une conversation privée. Moi, je pense que tes parents, ils doivent mettre que ça en avant en disant madame la directrice, pardon, mais ça ne vous regarde pas. C'est une discussion privée entre élèves. Vous n'auriez même pas dû être dedans. Elle va te dire oui, mais ils sont mineurs, ils sont sur la responsabilité des parents. Et là, vous allez dire c'est pas bien, on le fera plus, on est désolé. Voilà. Et à mon avis, vous serez pas viré pour ça. Mais c'est normal, excusez-moi, que le collège se batte là-dessus parce que tu dois pas dire ce genre de truc d'un prof. Pardon. Mais la maman du gamin, elle est pas cool, hein, franchement. Mais la maman du gamin, elle voit ça, elle voit une tripotée d'insultes. Elle dit bah pour la peine, tes copains ils t'entraînent là-dedans. Je pense que ton pote, il a dû faire deux pas en arrière en disant c'est pas moi, j'y suis pour rien, c'est eux. Et à mon avis, il vous met tout sur le dos. Et je pense que votre copain, il vous a poussé un peu en avant en disant c'est pas moi, c'est eux. Et la mère, elle fait ah bah non, puisque c'est eux. C'est pas notre pote. Hein. Ah bah je te confirme, si ah ça bah l'était ouais, encore. Là, ça l'est plus. Là, c'est plus, ouais. Bah écoutez, faites profil bas, excusez-vous et dites à vos parents de jouer sur le côté privé. Mais à mon avis, voilà, vous avez ça fait ça. Ça se la passe connerie, quand, là, le conseil de discipline et tout ça connerie, Je sais pas, je vais recevoir une lettre bientôt. Bon bah tiens-nous au courant de comment ça va se passer. Et t'es comment, t'es un bon élève ou t'es un... Parce que ça joue dans les conseils de discipline. Hein. Non, mais ça va, j'ai quand même des bonnes notes. Bon bah ça devrait passer. Tu et les roues arrière, tu sais les faire en vrai ou pas? Mais tiens-nous au courant. Mais D'accord. Ouais. C'est la première fois que tu fais une connerie? Ouais. Bah. ça va passer. Ah, ça va. Si c'était moi, ça passerait limite. Ah ouais. Ah ouais. Non, mais toi, t'es un père dur, de toute façon. Un père dur. Ouais. Toi, t'es dur. Ah, en deux mots, un père dur. C'est quoi ce mot, un père dur. Bonjour, je suis un père dur. Tu es un papa dur. Je pense que toi, tu laisses rien passer, quoi. Alors que t'as dû faire les pires conneries du monde. Pas du tout. T'as toujours été droit, toi. Je vais te dire un truc. Quand tu fais des conneries, il faut pas se faire pincer. C'est tout. C'est ça. Quand tu te fais pincer, c'est tant pis pour ta gueule. Tu roules à 180 sur l'autoroute, tu te fais gauler par les flics. Ça sert à rien de dire j'étais pressé, je suis désolé, monsieur l'agent. Tu t'es fait avoir. C'est tout. Il y a des trucs comme ça dans la vie. Oui. Et ben là, en théorie, vous n'avez pas à le faire, par respect pour les profs. Maintenant, c'est vrai que c'est pas non plus le truc le pire du monde. Et moi, voilà, avant c'était les papiers, tout le monde mettait des papiers et des conneries et faisait des dessins. Bah maintenant, c'est par internet. Je pense que c'est là où ta proviseure a pas bien compris l'évolution. Ouais, si ça allait rester bloqué. Ouais. Que le côté conversation privée, faut bien lui dire que tout le monde n'a pas pu lire ce truc. Ouais. D'accord. Ouais. C'est comme quand Julie nous envoie à nous, on fait un groupe WhatsApp, elle nous envoie des photos d'elle dénudée. Il y a que nous qui voyons. C'est vrai. Ça, mais je fais ça, les gars. Après, nous, on repartage derrière. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? On repartage. On ouvre. On ouvre le groupe. On dit welcome on board. Et je vous attaque derrière. Allez, gros bisous, Morgane. Allez, courage. Gros bisous. Et bisous. Si t'es bon élève, ça doit passer. Généralement, le pire, c'est quand t'es pas bon élève. T'es récidiviste. C'est le coup de la grotte, c'est un récidiviste. Il est pas bien. Allez, voici Chainsmokers. Bon week-end, mon Morgane, quand même. Pas doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay. Tout à l'heure avec nous, il y aura Jonas Blue qui sera notre invité. Restez là, restez avec nous aussi, on s'occupera du devine qui sait. Ne bougez pas, on revient. Tous les matins, avec Manu dans le 6-9 sur Énergie,

Bon, c'est un ouais tout pourri. Il y a ça. Que des filles dans le public, ça... non Ouais. On va la refaire. Le public va bien. Ouais. Jonas Blue tout à l'heure. Ça va être trop bon ça. J'ai même pas la tête qu'il a moi. Où est-ce qu'il est ? En fait, on le voit jamais dans ses clips. Et à chaque fois, il a un chanteur différent. Un coup, c'est une chanteuse. Un coup, du coup, on sait pas à quoi il ressemble. Ah, il est vraiment bleu. Ça. Le mec, il peut aller peut-être au qu'il est bleu. Ouais. Il peut aller au cave, c'est tranquille. Ah, ouais. Ça, il c'est tranquille. Bleu. Oui, c'est ça. Ah, ouais. Et il ressemble à Michel Jonas. Il est bleu. Bleu. Ah, okay. Bon, en attendant, appelez-moi de la Raymonde pour le devine qui c'est. Ce week-end, vous pouvez jouer à ça vous aussi. Vous appelez des personnes et vous lui dites bonjour, devine qui c'est. Alors, je vous donne un conseil. Généralement, plus c'est âgé. Mieux c'est. Mieux c'est. Plus ça marche. Moi, je fais avec les papis. C'est pas moi qui choisis les numéros. Hein, vous c'est vrai, oui. Allô. Allô. Bonjour, devine qui c'est. J'en sais rien. Dominique. Eh oui, c'est Dominique. Ah, j'ai reconnu ta voix. Ah, mais t'as reconnu, hein, tout de suite. Hein. Ah, tout de suite. Ah, tout de suite, hein. J'ai vu, t'as reconnu. Ça va. D'accord, bah oui, il faut. Ah, il faut. Ouais, il faut. Bah oui, il faut le faire aller. Bah oui, hein, oh là là, c'est... T'as vu, il fait beau quand même, hein. Oui, tant mieux. Oh là là, là là, là là, mais bon, il fait froid. Ça peut durer. Oh là, mais t'as vu, il fait froid. Oui, ma fille, elle me l'a dit. Oh, oui. Il est gelé, elle dit. Mais gelé, il a gelé, hein. Oui. Ah oui, bon, c'est la santé, comment ça va? Bah, toujours pareil, hein. Ouais, c'est-à-dire? Bah, faut attendre. Ouais. Faut attendre. Pourquoi tu m'appelles? Pourquoi? Comme ça, pour savoir. Ah bon, Dominique? Bah oui. Bah, t'as quelque chose à me dire alors? C'est-à-dire, c'est un nouveau téléphone que ma fille a fait hier. Ah, c'est lequel? Ah ben, c'est un nouveau. Ouais. Alors, tu sais que... Hein. Et alors, il marche pas bien? Ah si, mais faut le mettre en route. Ah oui, comment tu le mets en route? Hein? Ben, je réponds. Ah bah oui, il n'y a qu'à c'est décrocher. C'est pour ça que j'ai reconnu ta voix. Ah bah oui, il marche bien, c'est pour ça que t'as reconnu ma voix tout de suite. Hein. Ah oui, pas de problème. Bah il n'y a qu'à juste décrocher puis raccrocher. Oui. Bah c'était comme l'ancien téléphone. Oui, c'est pareil, à part qu'il est neuf. Oui, donc tu m'entends mieux. Ah oui, c'est pour pareil. Hein. Ah bah hey, t'as vu là, d'un seul mois c'est pareil, je t'entends bien. Hein. Oui. Avant, je t'entendais pas bien, là, impeccable. Ah, hein. Ah là, c'est parti, là. Oh là là, attends, bouge pas. Tu m'entends, là? Oui, très bien. Et là, tu m'entends? Oui, Dominique. Et là, est-ce que tu m'entends encore? Oui. Ah bon? Attends, oui, c'est bon. Il marche bien. Attends, bouge pas. Et là, tu m'entends encore? Oui. Oh là là, mais c'est incroyable comme il marche bien. Attends, bouge pas. Je comprends pas. Bouge pas. Et là, tu m'entends? Oui. Oh là là, attends, bouge pas, je vais sortir du studio. C'est bon, ouais. Bouge pas. Mais tu sais, comme c'est neuf comme ça, il faut que... Et là, tu m'entends? Oui, Dominique. Attends, je vais aller derrière la porte. Attends. Oh, très bien. Et là, tu m'entends? Oui, jusqu'au bout. Oh, bah, il est incroyable, hein? Hein, c'est magnifique, hein? Oh là là, ça, c'est du bon matériel qu'elle a acheté, hein? Oh, hein? Dis donc. Bon, bah, je te fais un bisou, alors. Oui, d'accord. D'accord? D'accord, Dominique. À bientôt. Oui, bien sûr, forcément. Gros bisous. Oui, j'ai défoncé les oreilles. À bientôt. Bientôt. Au revoir, madame. Elle est adorable, Raymond. Elle est adorable. Elle est trop mignonne. Bien. Ah, nos amis frérots de la Vega, quand est-ce qu'ils reviennent? À bientôt. C'est vrai. Ouais, ça fait un bout de temps qu'on les a pas vus. Et moi, je m'y suis fait, en fait. Ils sont nominés. J'adore ce morceau. Ah, merci pour Pietre, frérot de la Vega. Au-delà des orages, je pars en voyage. Sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Absolument aller voir sur notre chaîne YouTube, c'est important. Hein. Allez voir la vidéo de notre camarade MHD avec la demande en mariage dans le public. Ouais, allez la voir. C'est trop mignon. C'est trop bien, ça fait plaisir de distribuer du bonheur. Allez voir les vidéos de Kenji, de tout le monde. Allez voir tout ça sur notre chaîne YouTube. Allez mater, vous allez sur Koé officiel et tout, et vous allez regarder, vous vous inscrivez, vous faites partie de la grosse communauté. Vous êtes 2 700 000 abonnés. C'est énorme. À la chaîne YouTube, allez-y, comme ça, ça vous aurez plein de très grosse communauté. C'est une très, très, très grosse communauté. Plein d'amis. Plein d'amis. Ça fait beaucoup. Plein de copains. Si on fait une fête. Plein de... Ah, ça va coûter cher. Hein. Ouais. Si on rajoute les amis Facebook, les amis Twitter, les amis Insta, continuez de nous suivre sur Insta aussi. Moi, c'est Koé officiel. Vous allez dessus. Julie, c'est quoi ? Moi, c'est Julie officiel 26. D'accord, Pietre. Pietropoulos. Évidemment. Faire comme les autres. Beaucoup d'abonnés ? Je vais arriver à 20 000 là, c'est bien. Pas mal. Ah, vous parlez d'Instagram ? J'étais sur Twitter, excusez-moi. Instagram, ça y est, c'est parti. Allez, on y va. Allez, n'oubliez pas, dépêchez-vous. Moi, c'est Guette deux fois aussi. Les guest places. Guette deux fois. N'oubliez pas aussi qu'on a fait la vidéo où Mika va remettre du bonheur et de l'argent. Oui. Et... Enfin, c'est pas de l'argent, c'est des cadeaux. Ouais, voilà. Avec la Société Générale. Voilà, vous aussi. On fera encore une fois, c'est ça ? Encore deux fois, je crois qu'il y a encore deux semaines. Ah, non, c'est bien ça. Il semble, ouais. En gros, vous choisissez ce que vous voulez dans votre box. Box le box. Vas-y. Vas-y. All-inclusive.com. Tu le dis tellement bien. Boxallinclusive.com. Vous allez dessus, vous choisissez ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Vous pouvez mettre jusqu'à 16 000 euros de dotation. Ça, c'est et si vous êtes tiré au sort, ça va du permis de conduire, au moyen de locomotion, en passant par les vacances. Ouais. Vous avez de la déco. La demoiselle, la dernière fois, elle a eu 3 000 euros de fringues. Ouais, ça c'est génial. Elle a refait sa garde-robe. De fou, 3 000 euros de fringues. C'est énorme. Hein. C'est même pas où tu as envie d'aller. Tu as envie d'aller partout. 3 000 euros de fringues. Tu peux prendre plein de choses. Bah, tu fais un magasin pas cher, tu repars avec la moitié de la boutique. Oh, tu vois, clair. Marc, tu dis ça à Kim Kardashian, elle fait. Oh, qu'est-ce que j'achète ? Qu'est-ce que j'achète ? T-shirt. Et encore, une petite manche. On fait un bisou à Hassan, voici le check qu'on a eu. Ça va, Hassan ? Ça va, et vous ? Ça va, mon gars ? T'es en forme ? Ça va, tranquille. La vie est belle ? La vie est belle, toujours belle. Bon. Toujours belle. Hassan ? Oui. Je voudrais te dire que tu as le lycée le plus déprimant que j'ai vu de ma vie. C'est vrai ? Je sais. Je déprime même quand avant que je suis né. Hassan, le lycée Condorcet à Saint-Quentin, j'ai rien contre le lycée Condorcet. On dirait une usine. Mais on dirait une un usine. Abattoir. On dirait, abattoir. On dirait les abattoirs d'Anderlecht. Je te jure. Et alors, surtout. Dans le public, je leur montre la photo, ils font oh putain. Non, vraiment. Et puis alors, bon, le lycée est moche, mais là, je sais ce que vous allez dire, on n'y va pas pour la beauté du lycée. Non. On y va pour les résultats. Oui. Eh ben. Ouais. Vous êtes classé 2241e sur 2270. Non, ah bah tu voulais un mauvais classement. On a bon niveau. Bon niveau. Non, ah, c'est le fond du panier là. Là, c'est-à-dire que les mecs, à mon avis, tu as ton bac, les mecs font t'as eu ton bac ? Ah mais tu me dégoûtes, il a eu son bac, dégage. Attends. Ah ouais, merde, dis donc, pourquoi ? C'est bizarre quand même hein. Ça travaille pas fort. Moi, c'est pas que ça travaille pas, c'est que déjà le lycée, c'est un moulin déjà. Tout le monde gérant, tu sors comme il veut. Ah bon, c'est bien avec le plan Vigipirate. Ouais, en plus, c'est placé dans un quartier. Donc les gens, ils viennent, ils vendent ce qu'ils ont à vendre à l'intérieur. Oui, mais oui et non. Parce que ça, c'est pas vrai. Parce que l'un des meilleurs lycées de France, si je dis pas de bêtises, et des meilleurs lycées parisiens, c'est un lycée qui est dans le 9-3. J'ai complètement oublié la ville, donc je vais dire une connerie. Ouais. Et donc, ça veut pas dire grand chose forcément tout le temps parce que t'es placé dans un endroit difficile. Tu regardes, t'es au milieu des immeubles. Juste pour vous dire, l'année dernière, c'est le proviseur qui a couru après un gosse qui est mort. Il a fait le tour du rond-point. Comment ? Quoi ? Qui c'est qui a fait le tour du rond-point ? Le proviseur, il a couru après un gars qui était rentré comme ça dans le lycée qui vendait. Il a vraiment couru après l'ancien proviseur. Ouais. Il est pas mort ? Bah non, c'est juste que le gars, il s'est couru. Ah, j'ai compris. Il a fait le tour du rond-point et il est mort. Je me suis dit, Non, quand même pas. Ah, le mec, il remarque qu'il est gonflé, le proviseur. Le mec, il court après le mec. Ah, c'est gonflé. Et puis, t'as vu, le classement départemental, ils sont bien aussi. 20e sur 22. Bon, faut se dire qu'il y en a deux qui sont pires. Est-ce que vous pourriez me présenter le 22e, s'il vous plaît? Bon, alors, malgré tout, alors, ça rentre comme dans un moulin, ok. Est-ce qu'il y a des trucs de bien quand même? Non, ouais, franchement, il y a un truc qui est bien. Déjà, c'est le foyer. On a un beau foyer. Bah, tu vois? On a un beau foyer, on a une belle télé, ils font des belles activités aussi. Après, on a franchement les meilleurs surveillants de France. Ouais. Ah bah voilà. Ils doivent pas surveiller grand chose du coup, c'est vrai qu'ils sont sans passer. C'est vrai, mais bon. On y va, mon gars, on appelle. Super gentil. On y va, c'est parti. On appelle, on va checker. Je rappelle qu'on a 5 questions qui peuvent avoir le label qualité Coé. Espace scolaire Condorcet, bonjour. Espace scolaire. Bonjour, c'est Coé à l'appareil, comment allez-vous? Ça va, on est sur énergie, vous êtes en forme? Non, c'est qui? C'est Coé, vraiment. On a écouté le public. Monsieur Coé. Oui, faites du bruit pour la dame. Vous allez bien? Vous allez bien, ça va? Vous êtes qui, monsieur? Non, on vient de vous le dire. Elle y croit pas. Vous êtes, je m'appelle Coé, c'est Coé, Sébastien Coé, énergie. Monsieur Coé. Oui. Il y a monsieur Coé. Ça va? Non, il n'y a pas un monsieur Coé, je suis. Non, si, chez nous, il y a monsieur Coé. Ah ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il est, je pense... Oh, je sais pas. Je sais qu'il y a pas. Monsieur Coué, ouais. Mais il est là. Il vient, il vend du shit. Non, mais c'est pourquoi, monsieur? Alors, pour justement vous donner le label qualité Coué, puisqu'aujourd'hui nous travaillons avec le ministère, enfin pas encore totalement, pour mettre le label qualité Coué, un label où le lycée, il fait bon vivre. Pas très français ce que j'ai non, dit. Non, mais on a compris, ils sont 20e sur 22, ils diront. Ils sont prêts à tout prendre. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous tolérez les baskets pour les élèves? Bah oui. Ok, un point. Est-ce que vous tolérez les ballerines pour les filles? Oui. J'enlève le point. Bah oui. Est-ce qu'on peut graver des conneries sur les tables? Non. Quand on s'en... Non. Ah, direct. Même quand on s'embête? Non. D'accord. Est-ce qu'il y a une cantine, une carte de cantine gold pour les gros mangeurs, ceux qui prennent du rab? Gold, je sais pas. Vous avez jamais vérifié? Il y a une carte de cantine. Oui, c'est normal. D'accord. Et alors ma dernière question. On est bien, là. Est-ce qu'on peut sortir de classe et aller à l'infirmerie sous n'importe quel motif? Non, je pense pas, non. Ah. Moi, je m'en servais beaucoup de ça. Ah, moi aussi. Il faut que j'aille à l'infirmerie. Non, hein. Je pense pas. Ouais. C'est plus strict maintenant. C'est plus. Ah, avant, on pouvait y aller quand on est. D'accord, ouais. Quand on voulait. Ouais. Bon, dernière question subsidiaire. Est-ce qu'il y a énergie de diffuser quelque part dans l'établissement? Je pense, oui. Ah bon? Ah ouais? Bah où? Bah, en cours. À fond? Non, pas en cours, non. Quand vous êtes en pause. Oh! Ah. On met? Ah ouais? On met? Ça va les aider. Ah ouais. Ça va les aider. Le label qualité Coé, ça va vous aider. On met la mention, c'est bien. J'espère que c'est pas à cause de ça qu'ils sont 20e, 122. Non, hein. Bon, je vous fais un bisou, je vous embrasse. Au revoir. A bientôt, madame du lycée. Vous embrasserez non. Monsieur Coé, vous savez pas ce qu'il fait dans l'établissement, d'accord? Oui. Bientôt. Allez, cool. Au revoir. A bientôt. Salut, Hassan. Elle est sympa. Pas bien classé, le lycée. Pas très au courant. Mais elle est sympa. Bah, il manquerait plus que ça. À bientôt, Hassan. Ciao, mon pote. Bobble. Au revoir. Bonjour. Yo, c'est la gala with the big tic-tac. She fait gimme the. Head to the floor, girl, gimme the. Bend over, girl, and gimme the. Spit down to the ground, seismic activity. Spin round me, girl, and gimme the. Top wine, girl, and gimme the. Body look fine, girl, gimme the. Coming out, waste some time, girl, gimme the. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in, love, or you're spinning it. Rotate your body, come in, love, or you're spinning it. Rotate your body, come in. Serious thing, it's on a comedy, comedy. And them say you want the comedy, comedy. So me want get someone come trouble, trouble. Bust two buckler, the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. And it look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pony body, me take up a permanent residence. The trumpets blow. Alerte, gros problème. Ah ouais, gros problème qu'on vient d'apprendre. Venez nous voir dans le public hein, parce que ça vaut le coup. Hein. Problème, je crois que c'est une on info. On a des phases des fois. Une info Guéguette. Ouais. Bonsoir Guéguette. Bonsoir. Alors, que se passe-t-il? Je disais à Julie, je vais bientôt vous demander des écouteurs à la place du casque. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué un truc et oui. C'est un sujet sérieux qui me fait flipper et tu vas peut-être me comprendre sûrement. Je commence à me dégarnir autour des oreilles à cause du casque. Ah oui, c'est vrai. Mes cheveux sont plus épars, quoi. Ouais, mais c'est pourquoi c'est, t'as des mousses en papier de verre ou quoi? Je sais pas. Mes cheveux sont plus épars. Ils sont plus sensibles, mes cheveux, à ce côté-là. Mais tu sais que de ma vie, et je suis bien placé pour le savoir, j'en ai rencontré des mecs qui perdaient leurs cheveux. Ouais. Ah oui, des filles qui perdent leurs cheveux. Ah bon? En période de fatigue. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Mais des mecs qui se dégarnissent autour des oreilles. Mais je sais, c'est pour ça, j'ai l'air con. Au-dessus encore, c'est normal. Ça n'existe pas, ça. Au-dessus, c'est normal. Je vois, enlève. Mais c'est moins plus qu'ils se regardent. C'est plus clair. Regarde. Ouais, grave. Des deux côtés. Les deux côtés. Tu vas faire des implants autour des oreilles? Ouais. Tu sais quoi, tu vas devoir laisser pousser tes cheveux du dessus pour que ça recouvre. Ouais, je serais obligé de me remettre les cheveux longs. Ah, bah, et donc tu veux quoi alors? La solution, bah, des écouteurs à la place du casque. Mais tu sais que moi c'est pas con parce que moi aussi du coup j'ai ce problème là au dessus. Bah ouais. Regarde, de rien, on a le casque beaucoup dans la journée. Mais pourquoi ça arrive pas chez les filles? Mais vous mettez pas le casque assez souvent et assez longtemps pour vous dégarnir. On l'a 3 heures par jour les gars. C'est des gens qui étaient encore depuis 7 ans, depuis plus de 7 ans. Il va faire un calcul. Non mais ça, le casque de moto va plus s'abîmer qu'un casque audio. Mais toi mec, on a l'explication. Regarde, 30 ans de radio. C'est vrai, j'ai commencé à 13 ans. Regarde, c'est pour ça que t'es chauve, t'as les plus rien. Les frottements et tout. C'est vrai. Regardez tous ceux qui m'écoutent là, qui se baladent avec des casques dans la rue, on écoute. Rendez-vous dans 10 ans. Ah ouais. Mais si, peut-être que le mouvement. Moi, je suis sûr que le petit mouvement qui consiste à faire tac tac tac tac, à le remettre derrière machin et tout, ça use. Ça, la coiffeuse, casque de moto. Ouais, en plus. La coiffeuse m'a dit, ah c'est ça, cherchez pas. Mais non, elle t'a pas dit ça. Elle t'a dit que tu perdais tes cheveux autour des oreilles, c'est non, mais déjà personne, mais effectivement, c'est, personne perd ses cheveux autour des oreilles, ça n'existe pas, la calvitie de autour des oreilles, c'est pas normal. Donc il y a bien un problème qui vient de quelque part. Ça n'existe pas ce truc-là. Et moi je vois que le casque quoi. Mais tous les animateurs mais ne perdent pas. Tu ne grattes pas la nuit comme un clef, tu vois, genre t'as pas avec la jambe. Ouais, non, t'as vérifié, t'es pas somnambule. Ouais. C'est bizarre quand même. Bon allez les mecs, on arrête. Hey, le coup de la colle autour du casque. Ouais, la vanne, la vanne a duré 7 ans. Je pense que c'est la vanne la plus longue du monde. Ah, c'est mon ami parce que voilà, on te dit, on a mis du vite. Ah putain, voilà, je peux quand même avoir des écouteurs. Pour c'est vraiment. Non, on n'a pas le budget. Ah, vous allez le casque, il faut qu'il fasse au moins 10 ans, nous a dit Jean-Paul. Encore 3 ans. Bienvenue sur Énergie dans un instant. La suite, on aura Léa au téléphone. À tout de suite. 22h. Énergie. Guillaume. Cyprien Verseux, astrobiologiste. Toi, t'étais bon à l'école pour faire ce métier? Bon, j'ai des problèmes de discipline, j'étais pas très je m'intéressais pas franchement au cours. On va se prendre un message de Najat Vallaud. Si même les astronautes ils disent. Guillaume Radio 2.0. Ce soir 22h. On NRG.

Bonsoir. Je vous contacte, elle nous a envoyé un mail. Attention, bien fait, pas de faute d'orthographe, nickel. J'aimerais participer à l'émission à l'occasion. On va l'accrocher celui-là du coup. Ouais. J'ai vécu une relation avec un homme il y a 5 ans. Quel âge tu as? Moi, j'ai 29 ans dans 6 jours. Ah, d'accord, ok. J'ai vécu donc, une relation avec un homme il y a 5 ans. C'est fini depuis 2 ans avec lui. J'ai eu un enfant depuis. Et tous les soirs, il me harcèle. Coup de téléphone, oui. Il me piège pour savoir si je baisse ailleurs. Baisse, je pense, parce que baisse ailleurs, ça ne... Ce qui n'est pas le cas. Je me suis séparé de lui car il n'évoluait pas. Il a fait le buzz en Belgique avec sa connerie. Je vais vous donner une vidéo. J'aimerais lui donner une leçon, le piéger gentiment. Qu'est-ce qu'il a fait comme buzz? Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a fait il y a 7 ans ou 6 ans, donc la vidéo que je vous ai montrée, cette vidéo n'arrête pas de ressortir. Et le problème, c'est que bah, dans la rue, il se fait arrêter, on veut le prendre en photo, mais ce que lui ne se rend pas compte, c'est qu'on se fout de sa gueule, mais complètement. Ah oui, c'est lui pense être la réincarnation de Jean-Claude Van Damme. La réincarnation, carrément. Une réincarnation, ah, oui, oui. Il faudrait qu'il soit mort, Jean-Claude Van Damme. Ah oui, non, bah, je ne sais pas, mais. Non, il y a quelque chose qui se passe dans sa tête. C'est... Alors, on t'a sorti un peu de son, mais c'est propose, de la vidéo plus. Mais... On écoute un petit peu, on en parle après, d'accord? Après, on écoute un tout petit peu. Vas-y, mon ami. Allez, terrible ça. Là, il fait des. C'est pour qui tu fais cette vidéo? C'est pour moi déjà. Et pour qui? Et pour peut-être un film. Comment il s'appelle l'acteur principal? Jean-Claude Van Damme. Ouais. Top ça. Je sais pas, toi dire parce que j'ai un peu cassé ma vie, ok? Eh ben tu dis, fais, eh ben monte une fois, kata. Je suis impressionné parce que je fais mon art martial à moi-même. Voilà. Attends, mais qui parle là? C'est son pote qui lui pote qui le filme. C'est un ami qui filme. Attends, attends, bouge pas. C'est Jimmy Cobb. Ouais. Ça, c'est le copain qu'on entend. Ouais, c'est le copain. Ah, je suis en train de voir la vidéo, mec. Terrible. Fais maintenant en arrière, recule. Hop, et tu reviens en bois, tu boxes le coach, le coach, le pote en fait. Une tête chelou quand même. Ok, c'est une. T'as dit qu'il avait une tête chelou son ex, c'est pas gentil. Non, son pote en fait, je le vois. Il a écrit comme ça, il en a fait plusieurs. Et on l'a laissé passer, ça ressort à chaque fois. Bon, on en reparle dans un instant, ne bouge pas ma chérie, ne bouge pas, ne bouge pas. On en reparle dans un instant, tu sors avec Jean-Claude Van Damme, t'as trop de la chance. A tout de suite. Il lève le pied comme personne n'a jamais fait ça de sa vie. A tout de suite. I met you in the dark. You lit me up. You made me feel as though I was enough. We danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest. And you asked me to stay over. I said I already told you. I think that you should get some rest. I knew I loved you then. But you'd never know it. Cause I played it cool when I was scared. Some breakfast in bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. And you look beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear. You, even when we're ghosts, 'cause you were always there for me when I needed you most. till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me till we grow old. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Just say you won't let go. Oh, just say you won't let go. Chloé, il compare toujours tout aux voitures. Et lui, je vous jure, c'est une Ferrari. Mais dans une carrosserie de grand goût. Oh, c'est facile. Oui. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. Eh oui. On est là, on est sur Énergie. Ça va, Julie? Très bien, oui. Mon bisou. Oh, c'est trop mignon. Je fous de toi, je veux mon bisou. Surtout que j'adore cette chanson. J'ai vu passer une vanne, mais je peux pas la faire. Ah, pourquoi? Ça va encore gueuler ce matin sur Twitter. Il y a des saloperies qui circulent sur Twitter, mais il y a des fois des mecs drôles. Ouais. Ah ouais, oui, bah oui. Il y a un mec qui a dit à mon enterrement, il avait tweeté, il a dit à mon enterrement, je demanderai à ce qu'on diffuse du Joule, comme ça les gens ils auront une bonne raison de chialer. Ça m'a fait assez rire. Il y avait plus une autre que je ne peux pas dire parce que il y a des vannes. Ce matin j'étais en mode, je regardais des vannes marrantes. Et il y a des fois des gens qui arrivent avec moi, j'arrive pas à écrire de vannes en 140 caractères. Je le dis. C'est hein. Dur. Hein. Ah mais c'est super dur. Hein. Et les mecs ils arrivent à trouver le petit truc et tout, c'est fort. Hein. Ça va Mastouf? T'es en forme? Mais oui, impec. Bon, t'as bien, elle était contente hier, Stouff. Ah ouais, comme une... Depuis, elle est toute comme ça, on n'en vend plus. Ouais. Loris, on ne t'a pas entendu depuis le début de l'émission. Mais c'est pas plus mal. Oui, je travaille beaucoup en amont. Oh, je travaille en amont, ça y est, le mec. De toute façon, il a une espèce de phrase en mémoire interne. Tu lui dis, Loris, on t'entend pas. Bon, parce que je travaille beaucoup en amont. Et... Voilà. Bah, en fait, ce matin, on a travaillé sur la vidéo de notre stagiaire, Danse avec les stagiaires. Et oui, ton pas de danse. Oui. On la tourne quand? On va la mettre ou... On l'a tournée ce matin. Ah, donc c'est bon, donc on va pouvoir la diffuser là. Oui, donc on va pouvoir la mettre là. Là, dans la soirée ou demain au plus tard, oui. Danse avec les stagiaires. Quelle star. Guillaume t'apprend son petit pas de danse. Exactement. Tu peux le faire. Oui, avec plaisir. Ouais. Guillaume vous coach. Oh putain, Guillaume vous coach. Ouais. Regarde, c'est lui, c'est pareil, il part au quart de tour. Là, tac, pas de danse. Regarde ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah, ouais. Il est tellement premier degré. Bon, ouais, ouais. Ça va, Léa? Oui. Bon, alors Léa, on résume. Elle est sortie avec un mec qui est le fan de Jean-Claude Van Damme. Mais elle sort toujours avec, non? Non, ça fait ça. Non. Pitié. T'as ouvert les yeux, en fait. Mais est-ce que tu lui disais à l'époque que, bon, au niveau karaté, il est pas... Parce que nous, on vient de voir la vidéo à l'instant. Hein. Comment dire? Bon. En fait, je savais pas tout ça. Moi, j'ai découvert par après. Enfin, je suis un peu... Après un an, je me suis rendu compte. Et ici, ça fait 5 ans que... Il fait des allers-retours et qu'il sait très bien que c'est fini entre lui et moi, mais enfin. Bah, c'est que, ouais, il a pas dû en trouver des masses des filles non plus. Ah ouais, c'est ça. Et là, il est toujours en boucle. Il est en boucle. Mais enfin, pour tourner un truc comme ça, ça va, c'est bon. Je sais qu'il a quand même 41 ans. Hein. Il n'en a pas avant. Il a une tête de gamin. Il a 41 ans. Et ça, c'est ça d'être le sosie de Jean-Claude. Hein. C'est un côté. C'est pas possible. On dirait qu'il a à peine 20 piges. Ouais. Et dans mais non, ça... il est mais du coup, après 5 ans, c'est toujours une star. Enfin, une star. Non. Personne qu'on arrête dans la rue. Encore aujourd'hui, j'ai une amie qui a partagé sa vidéo. Elle continue de tourner. Et dans la rue, on l'arrête. Mais c'est pour ça que moi, d'ailleurs, je marche à 10 mètres de lui. Parce que j'ai ma fille. Elle a un an. Et puis, je me dis, quand elle aura 5 ans, qu'elle aura le même niveau mental que lui, je suis dans la merde. Elle a eu sa fille avec quelqu'un d'autre après. Mais raconte-moi un truc. Tu dis dans ton mail, tu dis, moi, j'aimerais bien refaire ma vie et tout. Mais ça veut dire quoi? Il t'empêche quand même pas de rencontrer quelqu'un parce que t'as fait une fille. Ben, il me dit que si, que je peux faire ma vie, mais puis d'un autre côté, il me harcèle, il me fait des menaces, il dit que s'il me trouve avec quelqu'un, il va lui faire sa fête, c'est bon, moi... Coup de pied circulaire. Bah, déjà, de ce qu'on a vu en démo de karaté, il faut que la personne elle fasse moins d'1m20, sinon si elle fait plus d'1m20, elle lui fera rien du tout. Hein. C'est pas faux, ça. C'est quand il lève le pied au niveau du genou, quand même. Hein. C'est-à-dire, il faut qu'il éclate, passe-partout. C'est pour ça qu'il est comique, mais c'est saoulant. Mais tu veux pas... qu'est-ce qu'on pourrait faire avec lui? Moi, je veux l'appeler, hein. On peut l'appeler? Ouais, on a son numéro de téléphone. Franchement, faudrait le tester. Non, mais si tu l'appelles, tu lui dis quoi? C'est ça aussi. Fais pas passer pour son nouveau mec. Et tu lui dis qu'il vous laisse tranquille, quoi. Mais moi, j'avais réfléchi en fait. Toi, t'es fan de Jackie Chan. J'avais pensé que Corinne pouvait. Et Jean-Claude Van Damme, tu t'appelles, faudrait dire. Attends, il avait espéré sur la vidéo et lui faire croire qu'il voulait tourner un film avec lui. Parce que c'est Dieu. Les gens se foutent assez souvent de sa gueule et lui proposent des trucs et je sais qu'il y a. Non, mais par contre, le délire d'appeler en disant je suis le nouveau mec de Léa, hein, maintenant faut arrêter. Puis moi je suis fan de Jackie Chan, c'est plutôt moi, ça me fait marrer. Aussi, mais alors faut vraiment y aller parce que sinon on va y aller, ma chérie. Mais tu sais quoi, tu vas lui parler, tu vas dire que t'es avec ton nouveau mec et tu me le passes assez vite, d'accord? Ça va. Et je m'appelle Kevin. Pourquoi pas. Je vous passe le numéro. Juste après Westy. Après Westy. Oui, donne-nous le numéro parce qu'il est quand même. En espérant qu'il réponde parce qu'après. On essaie. On n'a pas de garantie. Peut-être qu'on va se planter. Peut-être que ce sera dément. On essaie ça dans 2 minutes. On aura essayé au moins. On aura essayé, comme dit Pierre. Et comme disait monsieur de Coubertin, l'important c'est de participer. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Il nous faudra vite se fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière. Car au bout du compte, nous sommes des milliers. Je continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes en avoir l'impression d'être sous. Faites-vous à l'idée qu'on est peut-être fou. En fait, faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. Veux-tu vivre dans un monde sans soleil? Nous c'est l'amour qu'on veut semer, le sentir fleurir sous nos semelles. Mais c'est hyper dur quand la haine perdure. Mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu. Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Je ne capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Je capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. Tu ne veux pas survivre en apnée. Coué, 19h, 22h, sur Énergie. Ouais. On est sur Énergie, tout le monde. On a fait une belle semaine lundi, mardi. Vous découvrirez Alan Walker qui sera notre invité. C'est beau ça, hein? Ouais. Continuez de vous battre pour le toc toc toc de Tal. Je viendrai chez vous avec Tal et la semaine prochaine, je viens chez vous pour le range ta chambre. Ouais. Je peux même vous dire que ce sera, je vous dis pas le jour exact, mais la semaine prochaine avec l'équipe, on vient chez vous. Vous vous êtes inscrit. Parfois, plein de parents ont inscrit les chambres d'enfants en disant regardez les photos, c'est pas possible. On vient, on range votre chambre. Et on vient avec toute l'équipe. Comme ça, on arrive chez vous et en live et vous verrez la vidéo ensuite sur YouTube. C'est bien, c'est non ça. Ouais. Ouais, on est d'utilité publique, mais les gens ne s'en rendent pas compte. On s'arrête sur des broutilles de petits mots qui sont dits à droite, à gauche, alors que regardez la réalité. On aide les gens, en plus, on fait ça. On aide, bientôt on va rebâtir une maison et on nous. Ouais, enfin, t'emballes pas non plus. Hein. Oui, mais bientôt. Ah, d'accord. Oui. Enfin, attention, Léa. Oui. Comment s'appelle ton ex-chéri? Massimo. Ok, on appelle Massimo. Nos appels masqués.

Non, je crois pas. Non. Non, non. 5. Le partenaire qui te trouve, qui trouve ton corps moche. C'est-à-dire que t'es là, tu te déshabilles. Ah. Tu te déshabilles, elle fait oh là là. Reste habillée. Oh, faut te rhabiller. Moi, j'ai des gens comme ça. Je peux pas vous dire qui. Que des fois, tu vois habillé, tu fais hey! Ça peut être pas mal. Et tu vois torse nu, machin, tu fais c'est dégueulasse. Ouais. Ça bredouille, il bout de sein. C'est vrai qu'on sait pas, hein, les premières fois, au final, sur quoi on peut tomber. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup des fois, de déceptions. Des fois, t'as des bonnes surprises. T'as des bonnes surprises, des fois, avec les fringues un peu amples. Tu fais, hey, mais t'es comme ça en dessous. Puis des fois, tu fais, ah là là, t'étais comme ça en dessous. Ah, pareil, hein. Quatrième, l'éjaculation précoce. Ah, bah oui. Forcément. Fameuse. Le bon. Au revoir, madame. Trois, qu'elle tombe enceinte. Ah bon ? Ah, ça fait peur. Deuxième position, l'absence d'orgasme chez la partenaire. Ah oui. C'est-à-dire, à un moment donné, tu fais ce que tu veux, mais ça ne vient jamais. Je comprends, c'est normal. Et en première position, le partenaire sexuel qui a une maladie sexuellement transmissible. Ah oui, vous comprenez pourquoi la panne du zizi n'est que en sixième position. Oui, oui, oui. Il y a de ça aussi. N'oubliez pas, continuez de vous inscrire pour la Box All Inclusive sur boxallinclusive.com. La semaine prochaine, on ira encore vous amener des cadeaux de ouf. Ça va être énorme, vous crierez de joie. Ça va, papi, fort. On vous amènera la box comme ça, avec peut-être jusqu'à 16 000 euros de cadeaux, vous ferez. Super content. Ouais, ouais, non, lundi. Je vois passer vos messages et vous dites rappelez-le. Non, lundi pour la suite. Voici Feder. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest true. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest true. I tell them, go, go, we love, that's my place. There's nothing to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. In my heart, a rain of light that lights up the dark. When I step to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest. Je vais les mettre en brochette et je vais te plonger dans la piscine aussi. Quoi ? Chloé, 19h, 22h sur Énergie. Oui, c'est là que ça se passe. Voici le super jeu. Souvenez-vous cette semaine. C'est un cul de ce baraque à frites. Bien sûr, tu vas pouvoir t'enfiler des petits cadets, des espèces de connards. Voilà, alors là, c'était un bon moment. C'était beau, ça. Bon moment. Mais alors, là, on était à Calais. Hein. C'était un bon moment. Donc, est-ce que cette séquence a été checkée par la direction ? Oui. On en est sûr. Est-ce qu'on peut la diffuser? On avait eu un florilège là. Je ne demande que validation maintenant. Vous savez, on ne sait jamais. Je veux rester dans le droit chemin que Dieu nous a fixé. On est d'accord. Tant que tu veux dire, tu viens chez moi, tes parents connaissent. On est d'accord. C'est qu'une engueulade. Je ne sais pas, Julie. Je crois que tout n'est que licorne et cœur sur toi. Tu mets le photo au octave front. Au octave front. De toute façon, on ne comprend pas. Il y a une intoxication gaz à Tarek. T'as compris? Tu peux rien dire du coup. C'est une salope, il faut qu'on sale pute, salope. Voilà, ça a été validé. Oui, oui, oui. Ça a été validé. Oui, oui. Écoutez, tant mieux, ils ont signé. Non. Allez, écoutez, voici la meilleure super jeu de la semaine. Allô? Ça va? Ouais. C'est toi, mon lapin? Ouais, c'est moi, mon lapin. Oh, ben, j'ai même pas vu ton numéro. Ah, ouais, bah, c'est normal, parce que tout à l'heure, j'ai appelé le voisin à côté, mais je voulais pas qu'elle ait mon numéro. Bon, je t'appelle parce que, bah, en fait, je suis pas venue te voir aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Et je devais... Ah oui, en plus, j'allais t'appeler pour... Tu viens boire un coup, tu mets congé. On verra ça plus tard. Parce que ça fait un moment que j'ai envie de te dire tes cas de vérité, parce que tu commences à me saouler. Hein? Bah ouais. Bah non, bah écoute, c'est... Répète-le. Bah tu commences à me saouler. C'est clair, c'est net. Bah non, c'est toi, Marie, ma... Hein? Tu sais c'est qui, là? Bah ouais, c'est toi. Le numéro, non? Bah non, bah écoute, au bout d'un moment, à force d'entendre, à chaque fois tu parles sur l'un, sur l'autre, tu parles sur moi, t'es fait comme moi, tu fais comme si. Que je parle, je m'emmerde avec personne. Non, tu t'emmerdes avec personne, et à chaque fois tu viens à la maison, c'est pour parler d'un, pour vous parler de l'autre. De quoi? T'as pas chié ou quoi, toi? De quoi j'ai pas chié. C'est relou, quoi, tu fais à chaque fois. Dans le cul. Bah non mais arrête, hein, soit quand même, c'est bon. À chaque fois tu fais comme moi, j'achète une maison, t'achètes une maison, j'achète un cookie-o, t'achètes un cookie-o. Tu fais tout comme moi, t'as vraiment pas de personnalité. J'ai avant toi, mais j'ai juste été moins con, j'ai attendu que le prêt au zéro il double, parce que toi t'étais un peu plus conne et trop pressée. T'as attendu 3 mois après, bah t'avais 80 euros de mensualité en moins par mois. Donc déjà ça t'évitera de bouffer des potes tous les jours. Alors comme t'es bien, c'est... Alors déjà, je bouffe pas des pâtes tous les jours parce qu'à chaque fois que je t'invite à bouffer, t'es difficile. Tu sais jamais quoi bouffer. Tu commences vraiment à me casser les couilles, espèce de pute. Ah bah ouais, c'est sûr, des pâtes au thon, des pâtes à le bolo, des pâtes à le mayo. Tu sais faire que ça, bouffer. C'est sûr que le cookie-o, il tire, toi. Ah bah non, bah c'est toi, le cookie-o, il tire carrément parce que toi, tu sais pas cuisiner. Puis le jour qu'on a fait l'euro, tu te rappelles qu'on a fait l'euro, que t'es encore venu à la maison parce qu'à chaque fois, tu viens à ma baraque, on voit jamais la tienne. T'avais fait ton cocktail. Tu peux jamais bouger ton cul, ça te fera peut-être du mal de bouger un peu ton cul, ça te fera pas de mal. Ok. Non mais oh, t'es vraiment pas. Non mais même à chaque fois qu'on sort, enfin je sais pas, à part montrer tes nichons, à tout le monde tu sais rien foutre. Hein. Quoi? Ouais, à part montrer tes nichons à tout le monde, tu sais, tes gros nichons, là, chaque fois qu'on sort, là, t'es obligé de mettre un soutif super rembourré pour qu'on voit la moitié de tes nichons dépasser. Eh c'est bon. Hein. Bah moi je l'ai 95 E. Toi tu fais quoi 90 B, on dirait des gants toilettes, tes nichons, alors toi c'est à ma gueule déjà. D'accord, tu dois avoir le pute. Ouais, bah moi c'est peut-être né ça, mais toi c'est ton cul, t'as vu ton cul comment qu'il tombe, tu te ramènes à la salle de sport. Tu viens, bouge un petit peu ta baraque, prends ta bagnole, vas-y, viens. Toi tu branles rien de ta vie en plus, et en plus, non seulement tu branles rien de ta vie, mais en plus... Et tes gosses en plus, ils sont mal éduqués, hein, franchement, même pas de bonjour, même pas de au revoir. Station classement, tu viens de pleurer quand les tiens sont éduqués comme ça, t'es barré où toi? Non mais tu peux bien être t'as chiqué? Moi je suis normal. Non, j'ai pas bu. Ah non, pas du tout. Il y a un moment, tu sais, il faut que ça arrive, il faut que ça éclate. Il faut bien, se méfier de l'eau qui dort. Tant que tu vas dire, tu viens chez moi, t'es barré ou connasse, bon. Vas-y, ferme ta gueule, Marie, arrête. Arrête, tu me saoules. Gueule, tu vas voir, je vais te faire avaler tes dents. T'es fini à le pire. Avaler mes dents, mais toi, je peux pas te faire avaler les tiennes, ma grande, parce que t'as même plus de dents. Bah putain, j'en ai 32, toi, tu vas t'arrêter deux dents, deux minutes. Et grosse putain, quand tu mets tes photos de profil là sur Facebook avec ton cul, avec ta bouche en cul de poule, cul de poule, bah putain, moi je vais voir mes dents, pas comme toi, tu mets le photo, on voit que t'es un front, t'es barré ou quoi, bah ouais, moi c'est mon front, tu me respectes, moi on voit pas que mes nichons. Bah tu te respectes, c'est un grand mot, en même temps tes nichons, est-ce que faut de les voir toi? Oh ta gueule, c'est plus comme un omelette, c'est plus des nichons, c'est des gants de toilette. Et toi tu pourras aller faire le cul avec. Mais ouais, vas-y, va, grosse putain là. Va faire ta bouche en cul de poule là. Attends, sur ta photo de profil là. Putain. Tu passes le langue en direct en train de A. Alors, déjà une photo de profil, elle a été changée, ça fait au moins 15 jours. Hein. Tu devras peut-être mettre tes lunettes, au lieu de mettre tes lentilles, tu verras plus clair. De toute façon, tes nichons sont trop dégueulasses. De quoi? Tes nichons sont trop dégueulasses.

Non, je te jure, c'est vrai. Ah bah, avoir à la télé, ça me saoule. Avoir en vrai, c'est autre chose. C'est combien de points un essai, tu sais? J'ai jamais aucune idée. Je ne comprends absolument rien. Ah, le mec, il passe pas, pas passer en avant. C'est pas 3 points. C'est 5 un essai, je crois. C'est pas. Ouais, mais je sais pas. Je comprends rien. Je sais pas non plus. Passe entre les protos. À chaque fois, je regarde des matchs avec des potes à moi là-bas, qui à chaque fois m'expliquent une nouvelle règle. Je dis, il me dit, ça, on n'a pas le droit. Après, tu vois le truc, bah si, il vient de le faire. Non, c'est pas pareil, parce que là, en fait, l'autre, c'est super compliqué. Je comprends rien non plus. À le rugby, c'est pointu. T'as des essais, t'as des points qui sont confirmés. Souvent, c'est ça que je trouve chiant, en fait. Ça s'arrête trop souvent. Le rugby? Ouais, ça s'arrête tout le temps, en fait. Et c'est pour ça que le foot est plus populaire, parce que le football, ça s'arrête jamais. Enfin, plus rarement. Populaire, malheureux, pas dans certaines régions. Oh là là, oui. Ah oui, après, dans le sud-ouest, ouais. Ah ouais. Tiens, on fait un bisou à Loïc. Ça va, Loïc? Et non pas Marion, en fait. Non, parce que Marion, c'est pas, c'est sa copine. C'est écrit pareil. On en parle. En Bretagne, Marion, il les appelle Loïc. Ah oui. Attention, excusez-moi. Bon, salut Koé, je suis parti en vacances à Lille avec mon ex. On a eu un problème d'embrayage sur le retour et elle croit que c'est moi qui ai fumé l'embrayage, alors que c'est juste un problème d'entretien. J'aimerais que tu l'appelles, parce qu'elle veut pas venir en vacances avec moi et elle t'apprécie beaucoup. Et surtout aussi, tu me dois une dette. J'ai voulu venir te voir à la Nouba. C'est quoi ça? Et j'ai cartonné ma voiture, donc j'ai pas pu te voir. Donc tu me dois une caisse et en échange, je sais que... Parce que c'est de ta faute. Il est bon, lui. Mais qu'est-ce que t'as avec tes voitures? Un coup c'est l'embrayage, un coup c'est. Qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai toujours la poisse, moi. Je suis un bon, mais rien. Mais t'as fumé l'embrayage, mais ça arrive à tout le monde de fumer un embrayage. Comment elle t'en... Pourquoi elle t'en veut? Oui, je comprends pas. Mais elle m'en veut parce qu'elle croit que c'est moi parce que je passe mal les vitesses. Et c'est qu'après ça, je lui ai fait une mauvaise blague. On a laissé la voiture au garage et j'ai dit à un copain de se faire passer pour le mécano et de lui faire une facture à 3000 euros. Et elle y a cru à fond, quoi. Elle s'est mise à pleurer, tout ça, elle m'en voulait pour tout. En même temps, tu lui fumes son embrayage et tu fais une vanne derrière, je sais pas si c'est bon. Non, mais ça, j'ai pas compris. Mais y a quand même, l'embrayage est quand même pété. Ouais, mais y a pas de facture 3000 euros. Mais t'as pété son embrayage et c'est elle qui paye. Mais c'était involontaire, c'était sur l'autoroute. Si je comprends bien, donc t'as pété son embrayage, mais tu l'as laissé payer intégralement. Ouais. Putain, mais surtout, ça, je sais pas, ça coûte combien un embrayage? Ça doit pas être loin, non? Ça dépend ce que c'est comme voiture. Et non, on a payé 1700. Ah, bon, ça va! 3000! On peut en fumer tous les jours. Tu l'as laissé payer 1700 euros? Non, c'est son père, il a aidé. Et moi, une petite partie. Moi, c'est quoi la petite partie? Qu'est-ce que t'appelles une petite partie? 400 euros. Ah, oui, ça va. Il a participé. Et le rapport avec les vacances, c'est quoi en fait? Mais c'est que maintenant elle veut plus, elle refuse de venir avec moi parce qu'il lui arrive toujours quelque chose, quoi. Qu'est-ce qui lui arrivait d'autre? Ouais, en gros. On est arrivé à Lille, déjà j'avais acheté une paire de chaussures et je les avais pas essayées. J'ai conduit en espadrille. Et arrivé là-bas, je me suis aperçu qu'on m'avait mis deux pieds gauches. Il est bon, lui. Je suis pareil. Ah, tu cumules un peu là. Il est bon, il est bon. Obligé d'acheter une paire de chaussures là-bas. Et une fois que la voiture était en panne, j'avais laissé les chaussures que j'avais achetées. Et du coup, j'ai fait Paris en espadrille aussi. Oh là. Donc, il a que des galères de bagnole, c'est dingue. Une bonne tanasse, toi. On en parle dans un instant après Amir, mon gars, d'accord? D'accord. Nous essaierons d'appeler Marion pour lui dire que t'es un mec bien. Qu'il faut qu'elle parte en vacances avec toi. Ah, merci, ça le rassure. Ah si, on va pas lui dire. Oui, t'as raison, fuis-le. Ça, c'est Pierre qui le dira. Oui. Restez là, Amir sur Énergie. J'espère que tout roule, on est vendredi. Tu me dis de regarder la vie en couleur quand il fait noir autour de moi. Sur le dos, j'ai traîné pas mal de douleurs. Toi, tu me portais à bout de bras. C'est toi, on dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Tu me dis que mon rêve est juste à côté, que j'ai juste à tendre la main. Je peux la passer à t'écouter. La douceur est ton seul refrain. Non, non, non, ce n'est pas toujours facile pour moi. J'ai plié tellement de fois. Non, non, non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh yeah. que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Saison sur Énergie, c'est dingue. Dingue. On aurait vu Julie passer de jeune milf à vieille cougar. Dingue, hein. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. Cougar. Pas une cougar. Cougar. Je m'intéresse pas aux jeunes. Cougar. Je m'intéresse pas aux petits jeunes. Comment? Je m'intéresse pas aux petits jeunes. Qu'est-ce que c'est un petit jeune pour toi? Bah, c'est un mec de 20 ans. 20, 21 ans, c'est plus un petit jeune. Bah si, 21 ans, 22 ans. C'est Elsa, notre traductrice, qui est à fond sur les petits jeunes. Ouais, non, genre, 20 ans, je peux pas. Genre, tu pourrais pas sortir avec un Kenji? Non. Pourtant, il a 20 ans, tu sais, ouais. Il est beau gosse. Ah, tu pourrais pas sortir avec Kenji? Ah non. C'est vrai? Ah non, trop jeune. Oh, il me faut un mec plus mature, les gars. Mais c'est vrai. Elle y croit même pas en le disant elle-même. On t'a pas demandé de te marier, on t'a dit sortir avec. Ah non, avec. Je vous assure, ah non, je pourrais pas. Ah non, il est trop jeune. Non mais même sortir, parler, on va être honnête, on va parler de coucher. Ouais. Bah, coucher, non, je pourrais pas, c'est un enfant pour moi, 20 ans. Mais comme t'es pas crédible. Mais je vous assure que mais oui. Mais comme t'es pas crédible, c'est un enfant. T'as quel âge t'as, 31? 30, ouais, 30, je vais avoir 33. Et alors quoi? Bah t'es pas vieille, 22, 22, 33 ans. Je pourrais pas un petit jeune, ah non, je vous jure, ça me gênerait. 20 ans, 33 ans, je suis désolée, il y a 13 ans d'écart, les gars. Alors que nous, ça nous gêne pas. Mais tu pourrais coucher avec un 13 ans de plus que toi. Mais je pourrais coucher avec un 13 ans de plus que moi. Ça nous arrange. Ça nous arrange un petit peu. On y arrive. Genre Robbie Williams, tu vois. On commence à se rapprocher un peu. Ouais, ouais. Ça va. Mais arrête, Robbie Williams, il t'a pas regardé, il te regarde pas, ni l'un ni l'autre. Aucun te regarde. C'est bon, arrête, Julie, s'il te plaît, calme-toi, ça ne sert à rien. Bon, nous avons Loïc. Qu'elle a la poisse et qui veut qu'on aille reconquérir sa copine parce qu'elle veut plus du tout partir en vacances. Tu lui parles ou je leur parle? Tu sais quoi, tu devrais lui parler et lui dire tiens, je vais te passer quelqu'un. Ouais, d'accord. D'accord. Ok. De toute façon, avec la chance que t'as, je pense que ça va raccrocher au moment où on va le reprendre, nous. Ah, c'est lui. Le téléphone, il a pu. On y va, c'est parti. Ah. Oui. Oui, ça va, c'est Loïc. Allô? Oui? Je te dérange pas? Non. Pourquoi tu m'appelles en premier? Attends, j'ai quelqu'un à te passer. Allô? Ouais. Attends, je te passe quelqu'un. Bah, oui. T'aurais pu parler un peu plus quand même. Mec, il dit à peine bonjour, je te passe quelqu'un. Bah, vas-y, dis. Allô? Présente-moi mieux. Ouais. Présente-moi mieux, enfin, c'est quoi ça, je te passe quelqu'un? Je te passe Coé. Allô? Bonjour. Bonjour. C'est Coé. Bah. Comment ça va? Là, pas trop. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Eh, mais il a trop la voix, tu fais comment? J'ai trop la voix, je fais comment? Parce que c'est le vrai Coé. Bah, c'est-à-dire que bon, c'est moi. Quoi. Ça va? Mais c'est vraiment Coé? Oui, parce que bon, il me fait toujours plein de blagues avec des faux. Non, il nous a raconté. C'est pas une blague. Le public, faites du bruit pour lui montrer que c'est pas une blague. Tu vois bien que c'est pas une blague. Ça va? Oui. Bon, je suis content de te rencontrer. Ça me fait plaisir. Je tremble partout là. Non, tremble pas partout. Oh, je t'appelle parce que là, il y a un moment donné, il faut faire quelque chose. Tu sais, parce qu'il a besoin de toi. Il veut repartir en vacances avec toi. Il paraît que toi, tu veux pas. Ah non. Direct, non. Pourquoi tu veux pas repartir avec lui? Non, il est insupportable, il me fait plein de coups et à chaque fois qu'il est là, il m'arrive des trucs. Mais au fait, vous remplissez la voiture et le coffre avec des embrayages, des roues de secours, des boîtes de vitesse. Comme ça, vous êtes sûr d'arriver au bout. Mais il vous a raconté ou quoi? Ah oui, il a raconté la crevaison. Non, pas la crevaison, l'embrayage. Il nous a raconté les espadrilles. Pourquoi il y en a d'autres? Ah non, mais à chaque fois qu'il est là, il se passe un truc, il me casse le pied. Ah non, il est insupportable. Il me fait des blagues tout le temps. Mais ça, c'est rigolo, ça. Heureusement, ça met un peu de piment dans le couple. Un mec qui te fait des blagues, ça va. Au mieux ça qu'un mec chiant, qui te saoule quand il parle et qui est inintéressant, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Après, il a souvent la poisse. Ouais. Mais ça, il peut rien malheureusement. Mais je sais pas, faut qu'il aille s'acheter des gris-gris ou qu'il aille voir un magnétiseur ou un marabout, un truc comme ça. Et même une fois, il a voulu venir vous voir, Koé. Il m'a dit, il s'est planté la voiture, il m'a appelé à moi. Je sais, il m'a dit, non mais bon, j'ai l'impression qu'il est un peu incurable sur certains trucs, on n'y arrivera pas. Après, c'est quand même... Mais quand même, bon, s'il veut partir en vacances avec toi... C'est quand même ton mec. Non, je crois pas. Mais si. Non, on n'est pas ensemble. Ils sont amis. Enfin, on n'est plus ensemble. Ah, c'est ton ex. Est-ce que quand vous faisiez des cochonneries, il avait aussi de la malchance ou pas? Est-ce qu'il s'est pété l'embrayage du zizi? Ou le frein? Non, attends. C'est ton ex et vous... Attends, Loïc, c'est ton ex et tu veux partir en vacances avec elle? Ben oui. Ils s'entendent bien. Vous êtes restés hyper potes? On s'entend bien, on a un enfant ensemble. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Il a que des bleus, le môme. Il tombe tout le temps. Il se fait mal, il se lève, il tombe. Comme le père. Ah ouais, vous êtes bien. Ah ouais, non, mais c'est bien que vous entendiez bien. Ah, c'est bien que vous entendiez bien, dis donc. C'est mignon. Ah ouais? Oui, on s'entend bien. Mais bon, jusqu'à ce qu'il me fasse plein de... Là, c'est... ça devient trop. Il fait quand même payer l'embrayage. Ah oui, bon, il a participé à l'embrayage. Tu veux vraiment pas partir en vacances? Oui. Non, pardon, excuse-moi, quand même, l'embrayage, ça m'a coûté plus de 1000 et quelques euros, cette histoire. C'est ce qu'il nous a dit, ouais. Ouais, je sais, c'est cher. Bon, tu veux pas partir en vacances avec? Elle a dit oui. Dis oui, nous on veut partir en week-end avec des gens qui s'aiment, on veut de l'amour. Vous partez en train. Mais vous vous aimez encore? Ah, c'est trop mignon. Ah, vous aimez encore, non. En fait. Je sais pas. Ah, lui, il a dit oui. Bah ouais, mais il faut se donner une chance d'y arriver, quand même. Et pourquoi vous êtes séparés, alors? On s'entend mieux plus ensemble. Mais il y a encore des sentiments. Des sentiments, il y en aura toujours. Oh, c'est mignon. Et quand vous partez en vacances, il y a encore du sexe un peu ou pas? De temps en temps. Ça veut dire oui. Ouais. C'est pour ça qu'il veut repartir. Non, ça c'est le rire de gêne. Ouais. C'est le rire de oui, peut-être bourré une fois ou deux. Non. Il n'y a jamais eu de sexe depuis que vous êtes plus ensemble. Merci. Eh ben, je vous fais un gros bisou. Tu veux pas partir en vacances du tout avec elle? Elle va craquer, elle va dire oui, c'est un mec sympa. Oui, il est sympa ton mec. Venez nous voir à la radio quand vous voulez, d'accord? Ouais. Sans accident, hein. Si c'est un lundi, partez un dimanche, on sait jamais. Vous venez avec un mec de chez Speedy. Voilà, et de Carglass. Prenez les mecs de Carglass et de Speedy. Je vous embrasse et je vous applaudis, les deux, bons week-ends. Merci. Yeah. Bisous, à bientôt. Je vous embrasse. Qu'est-ce qu'on écoute? Sound of Legend. Ah, c'est bon ça. I'm blue, da-da-da. On est vendredi, le week-end va être énorme. Bordeaux, j'arrive samedi, n'oubliez pas. prochaine, ne ratez pas Alan Walker. Lundi, on passe le code avec Julie. Ouais. Moi, j'ai envie de pas y aller. Interro. J'ai envie de pas y aller. Surprise. J'ai pas y aller parce que j'ai pas eu le temps de réviser. J'ai eu que des merdes. L'autre, elle a que ça à foutre de lire. Ah, c'est pas vrai. De lire son truc. Là, j'y arrive pas. Je me tape 7 ou 9 fautes. Et j'ai, franchement, j'ai pas envie de me prendre la honte. Non, je vous le dis, j'ai pas envie de me prendre la honte. Mais moi, je révise pas tant que ça. Je te promets, je fais 2 examens le soir avant de me coucher. Ça va. Fais-le toi aussi. Je suis saoulé, j'ai pas le temps. Elle a passé toute la matinée à faire des. J'en suis sûr. Non, j'ai pas le temps de le faire. N'importe quoi, c'est toi qui l'as fait. C'est lui, il a. Tu sais quoi, il faisait le bon en disant ouais, je réponds moi à toutes les questions, etc. Il a fait 28 fautes sur 40. Vraiment ouf. Allez, ça travaille bien. Allez. Pour être bon lundi, Coco. Interro surprise, Coco, on est obligé. T'as pas le droit d'abandonner. Ça te fait réviser. Écoute, bien, Julie, tu prends quelqu'un du public qui te représente, toi aussi. Non, je vais le faire. Pour faire gagner une PS4 à quelqu'un du public, par contre. Ah bon? Ouais, grâce à Captain America Civil War. Ah bon? Ouais. Alors, Oh, il y a quelqu'un qui ressemble à Piette. Moi. Bonjour, monsieur, comment vous appelez-vous? Moi, Gérard. Bonjour, Gérard. Vous voulez jouer avec nous? Oui. Ah, je vais prendre également le jeune homme qui est à côté. Bonjour. Quel est votre prénom? Michel. Michel et Gérard, vous habitez où? À Boulogne. À Boulazac. D'accord, très bien. Et vous voudriez jouer avec nous? Bah oui, grave. Bah, vous êtes tellement, vous êtes tellement beau. Et allez, vous êtes tellement beau. C'est qui vos préférés dans l'émission? C'est moi, c'est Chloé et Julie. Ah merci, Gaga. T'as des chances d'être choisi. J'aime bien Gaga, t'es beau gosse aussi. Ouais, mais Julie, elle est meilleure. En fait, celle qui va gagner. Oui, j'avoue. Il y a plus de chances de gagner. Je vous emmerde. Bon, allez, qui je peux prendre dans le public pour jouer pour une PS4? Qui a envie d'une PS4? Qui a envie d'une PS4? Deux? Seulement deux personnes? C'est bien. C'est un public de riches. Ils en ont rien à branler. C'est ça. C'est la première fois de ma vie que j'offre une PS4 et que personne ne lève la main. Non, ça va, merci. Improbable. Non, on s'en bat les couilles. C'est dingue. Va, franchement. Bon, bah, je vais choisir Gaguette. Franchement, c'est surfait. Une PS4. Si, t'as des gars qui lèvent la main au fond. Au moins, ils sont honnêtes. Ça veut dire qu'ils en ont déjà une et qu'ils laissent quelqu'un d'autre jouer. Qui n'a pas de PS4? Personne en a, mais personne en veut. C'est en même temps, c'est des filles. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'une PS4, les filles? Merci Julie. Bon, pourquoi faire ce jeu maintenant? De quoi? Pourquoi faire ce jeu maintenant? Allez, on est rempli de filles qui veut une tenue de foot. On y va. Personne? Je ne comprends pas. Mais je savais pas qu'on allait avoir que des filles en public. Et quand on aura public de mecs, fais bien penser à offrir des ballerines. C'est important. Et des entrées pour Bridget Jones. Ouais, bien sûr, pour voir s'il y a beaucoup de mecs qui veulent voir Bridget Jones. Bon, alors qui? Prends un mec qui a envie quand même, qui est un peu expressif, Guillaume, un mec qui a le sourire, qui a la joie. Moi j'ai envie. C'est quoi ton prénom? Il a envie. Thibaut. Ça va Thibaut? Ça va nickel. Donne-moi Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut, doudou. Non, mais donne-moi un Thibaut. Top, on a un Thibaut. Tu veux jouer avec qui Thibaut? Quel est le prénom? Raphaël. Avec toi. Ça va Raphaël? Tu veux jouer avec Julie? Ouais, je vais la faire gagner. Ah non, non. Ah non, c'est pas toi qui joue. Ah non, c'est pas toi qui joue. Ah non, c'est nous qui jouons. C'est là où t'es dans la merde. Ah, tu as la conséquence de nos réponses. D'accord, ok. Mathieu et Thibaut. Thibaut et moi, c'est Raphaël. J'ai envie de t'appeler Mathieu. J'aime bien ce prénom. Parce que je trouve que t'as une tête de Mathieu. Ah bah merci. T'as jamais dit? Non, mais je prends ça comme un compliment. Il aime bien. Tu préfères Mathieu que Raphaël ou quoi? En vrai, ouais. Ah, il a pas son prénom. Je suis sûr que tes parents vont les appeler Mathieu. J'en parlais à des parents. Ça aurait été bien. Gauthier, c'est bien. Bon, alors on y va. Je me mets là. Je reste là? Comme tu veux. Allez, je reste là. J'aime pas être là-bas. J'aime pas être à côté de Julie, elle m'énerve. Mais non, mais faut appuyer sur le buzzer. Il y a pas de buzzer. Allez, on y va. Pose tes questions. Ah, mais il a les questions. Tu veux pas lui donner les réponses non plus? Je vais pas voir. Ah non. Ah, pardon, excusez-moi. C'est l'appel à un ami. On y va. Les conducteurs. Non, mais on t'entend pas. Viens ici. Et ne regarde pas ses réponses. Non, je regarde pas. Mets-toi là ici. Tu seras impartial. Tu seras entre tout le monde. On y va. Allez. Il a peur. Allez vite là. Les conducteurs novices sont impliqués dans 25% des accidents corporels de la circulation. Réponse A, oui. Réponse B, non. Oui. Il l'a dit en premier. Mais tu joues pas. Point pour Coco. Un point pour Coco. Ouais. Pour l'instant, Mathieu. On a la même réponse, les gars. Oui, mais j'ai dit avant. Tiens les comptes. Rapidité. Vas-y, on y va. Vas-y, Pietre. Jeu de rapidité, Julie. L'aide au freinage d'urgence est obligatoirement liée à la présence d'un système d'anti-blocage de roues. Réponse A, oui. Oui. Réponse B, non. Bah, elle répond, on va connaître les réponses. Alors. Ah bah oui, bah, c'est un jeu de rapidité. Tu peux répondre oui aussi. Hein. J'ai envie de dire non. Bon bah c'était oui par contre. Ah oui, mais elle l'a dit avant. Ah bah oui, jeu de rapidité. Un partout. Je te soupçonne d'avoir regardé quand j'ai posé la question. Allez, on y va. Les feux de croisement éclairent davantage à droite qu'à gauche. Oui. Non. Pour éclairer le côté droit. Non. Pour pas éblouir les mecs d'en face. Si ça éclaire plus à gauche, ils en prennent pas. Ah ouais, c'est vrai. Il a l'explication, c'est fort. Ah, très bon. Bravo. Très bien. Donc ça sort comme ça, tac, vers la droite. 2-1. Mathieu, merci. Tu la vois la PS4 là? Qu'est-ce qu'il y a, Thibaut? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a vraiment ça comme question? T'as vu ça, c'est la galère, un code super dur. C'est pour tout le monde, je crois. Moi, du Havre, je l'ai. Le Havre, c'est pas le même code que le Havre. On conduit pas pareil au Havre. Allez, vas-y. Alors, certains régulateurs de vitesse aident au maintien des espaces de sécurité avant. Réponse oui, A. Réponse non, B. J'ai rien compris, répète la question. Redis-la. Attends, je la redis. Certains régulateurs de vitesse aident au maintien des espaces de sécurité. Réponse non. Oui, A. Bah oui. Réponse B, non. Bien sûr que oui. Non, le régulateur de vitesse. Le régulateur de vitesse, moi j'ai un truc avec l'espace entre les deux voitures. Mais c'est pas un régulateur. Mais non, c'est pas un régulateur ça. Vous confondez régulateur et limiteur de vitesse. Le limiteur de vitesse, c'est ce qui t'empêche d'aller au-dessus d'une certaine vitesse. Le régulateur, c'est ce qui maintient ta vitesse. Tu lui diras ça à l'examinateur parce que c'est une question. Excusez-moi, ma bagnole, tu te mets à 130 km/h. Il y a un truc qui calcule entre les deux voitures. Quelqu'un passe avant la distance de sécurité. C'est pas le régulateur. C'est un régulateur. Mais c'est un truc en plus du régulateur. Excusez-moi, moi c'est avec le régulateur. Je mets le régulateur. Distance. Quoi qu'il arrive, c'est une mauvaise réponse. Voilà. Mais je roule pas en bavière. Il y a égalité du coup. Attends, j'ai un petit souci, parce que il a la bonne explication, mais c'est pas la bonne réponse. Vas-y, dis. Alors, si mon régulateur est équipé de cette fonctionnalité. Voilà. Oui, mais c'est pas la bonne réponse. Bah, enfin, si. Ah non, il a raison. Excusez-moi, je me suis trompé. Il avait raison. Excusez-moi. Mais non. Il avait raison. Réponse B. C'est juste, on m'a fait les fiches à l'envers et du coup c'était la bonne réponse, c'est la A. Mais ça, depuis tout à l'heure, les bonnes réponses. Bah la réponse c'est bon. Je veux voir le truc. Non mais regarde, en fait c'est juste qu'ils se sont trompés. La bonne réponse c'est le A et là c'était le B qui était coché. Lis la bonne réponse, donc voilà, j'ai raison. Pourquoi ils ont coché le B alors? Bah, on va demander à la personne qui a fait les fiches quoi. Allez, on y va, on continue. Bah, tu gagnes. C'est le jeu le plus décousu. Mathieu, la PS4, tu la vois chez toi ou pas? J'ai gagné un prénom et une PS4. Désolé Thibaut. Bon, dernière question. C'est pour la forme, quoi. Parce que là. Alors, un pneu sous-gonflé. Ouais. Réponse. Alors, adhère moins à la route. Oui ou non? Oui. Bah oui. Augmente les distances de freinage. Oui ou non? Oui. Non. Non. Pas les distances. Bien sûr que si. Bah, si, un pneu sous-gonflé, tu ferais moins bien. Ils te mettent sur l'autoroute. Attention, pneu sous-gonflé égale. J'ai pas le temps de les voir. On est mal barré. Bon, on a une dernière. Les gars. Vas-y. Alors, mon véhicule est équipé de l'appel d'urgence. He call. Il est géocalisé. Oui ou non? C'est quoi? T'as dit quoi là? E-call, oui, il c'est est quoi, géocalisé. E-call c'est un truc comme il y a les smart là. Quand t'es passage, t'as une heure d'e-call. Quand tu sais, elle a l'Apple Start. T'as pas vu le truc de la pub Opel? Elle est équipée de l'Apple Start. T'appuies, c'est un truc de SOS. Il y a marqué ça SOS. Directement. Et on sait exactement c'est quoi, où tu ta es. Question, il est au courant, ok. C'est-à-dire que si jamais t'es malade, t'as fait. Hop, ils savent où tu es. Voilà. T'as pas besoin de dire où t'es. C'est ça, e-call? C'est ça, e-call. Et alors, c'est quoi la question? Bah, c'est ça la question, il vient d'y répondre, Julie. Bon, Mathieu, j'aimerais que tout le monde ait besoin de révision. Comme dirait Julie pour la sortie de Capitaine Américain. C'est bien avec Loris, c'est qu'on comprend rien au code. Bien joué, mon gars. Loris, ce qu'il y a bien, c'est qu'avec Loris, après 5 questions, t'en sais toujours pas plus sur les sites à bon. Si, t'as bien répondu. Ouais, bah ouais, bon. Tu vas la voir. Mais non. Shawn Mendes sur Energy. J'adore ce morceau. J'adore ce petit jeune. Faudra qu'il revienne nous voir. Shawn. Marrant, c'est bon. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Stop time for you. The second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can. Be with me instead. I know I can.

Qui est Marie Stouff? Mais d'accord, mais qui est Marie Stouff? Marie, c'est une auditrice qui nous appelle. Pas la magie de les bras comme ça. Mais non, parce que c'est pour le micro, c'est pas moi qui l'allume. Oh, tu as changé. Quoi. Vous avez vu un peu voilà maintenant, on a plus la loi ici, hein. Ah. C'est incroyable. Je me fais engueuler. Je me fais engueuler bientôt. Vous avez je des... m'explique. Bien, continue. Ah. C'est incroyable. Ah. Les gens disent oui, Koé, des fois, il dit des trucs dans les émissions, mais il pense quoi? Que j'ai le pouvoir dans cette émission? Je n'ai aucun pouvoir. Oui, Koé, tu as un pouvoir. C'est Marie. Qui est Marie? C'est une auditrice. Elle est arrivée par le plafond, elle m'a fait flipper. Elle appelle tous les soirs pour te parler. C'est vrai? Eh bien, ça y est, on y est. Bonjour Marie. Bonjour Coco. Ça va Marie? How are you? Oh, you? Tu me dis, I'm the one sent you. Ah, c'est une star américaine, Marie. Hello, quoi? Hey. Perché. My name is Mary. Avery. Mais tu es française, Marie, ou non, pas? Non, pas du tout. Oui. Ah. Eh oui, on n'est pas, bah oui. Oh, je serai engueulée par Coco, là. J'ai parlé en français. On dit oui, d'abord. Oui, quoi, je suis française. Et vous êtes sobre? L'anglais, l'espagnol, l'arabe. Le portugais, j'ai pas dire vague soudaine à mon Coco, quand même. Et vous êtes fan de Coco, donc? Je suis fan de Manu, Coco, Guillaume et Mickaël. Ah, toute l'antenne d'énergie, tout quoi. Oui, sans oublier cette fan radio et de Skyrock. Journée, des fois, je fais des non-stop avec vous. Franchement, je vous kiffe. Coco, on en revient, nous deux, maintenant. Hein, ouais, parce qu'on va arrêter de parler des autres, quand même. C'est le plus important, c'est notre amour. On va rigoler, à mon Coco. Bon, ça va, t'habites où? J'habite en Deux-Sèvres, mais je suis fan de Sèvrienne, Coé. Et de quoi? En Deux-Sèvres, c'est la fafonde de la jungle. La dans les deux, de Sèvres. Deux Sèvres. Dans les deux, oui, Sèvres. Les deux Sèvres. Dans le 79 à Bressuire. Ok, génial. Et tu bois quoi? Je bois de la bière, mon coco. Manu le sait. Guillaume le sait. Contresse quand je suis en cure. Et aux gazeuses. Aux gazeuses. T'es et pas coco, en cure. Je jure que. Non, l'alcool, là, j'ai préféré arrêter. Coé, continue la musculation, je te jure. Ah bon? T'es zette, mon coco. T'es beau comme ça. Ne maigris pas trop. Elle est trop mignonne. Ça me déprime, Coé. C'est vrai que si tu maigris trop, après, comme tu dis, tu seras peut-être moins rigolo. Je m'appelle pour toi, Koé, parce que je suis allé sur mon PC portable et je t'ai regardé en photo. J'ai dit, punaise, Coco, elle a vraiment maigri depuis 2005, depuis 1995. Ou et puis, j'ai Coco, vraiment, fais attention, Koé. Mais tu l'aimes bien. Je veux pas que télé prenne le dessus, Coco. Parce que franchement, d'abord, Manu, il a 44 ans. Toi, t'as 39 ans, mon coco. Qu'est-ce qui va nous rester après si vous partez tous, vous, tous les vieux d'énergie? Tous les vieux d'énergie. Oh, bah, t'es bien, t'as quel âge, Marie, toi? Des plus anciens. T'as quel âge, toi, Marie? Eh, attends, moi, je suis resté jeune dans ma tête. J'ai 50 balais. Ah, bien. C'est bien. 50 balais, la vieille. Hein. Et la vieille, quand je parle à mes copines, mes amies, elles ont 20 ans. Ah bon, d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, Marie? C'est quoi ton... Je m'emmerde, Koé. J'en ai marre. Pas de moi dans mon travail. Je suis inscrite à la NPE. À Lidl, ils veulent pas de moi. À Lidl? On est mal, Lidl, on est mal. Ils veulent pas de moi. Alors, Koé, on est vendredi aujourd'hui, mon coco? Oui. Alors, mon coco, je te souhaite vraiment, mais vraiment... Bon anniversaire. Moi, je ferme les yeux. Tout à l'heure, je vais te faire un gros gros bisou. Oh, c'est trop mignon. À toi et toute ton équipe, mon coco. Tu es gentil. Et puis je vais te souhaiter un bon week-end. C'est gentil, ça. C'est très très bon week-end. Je dis à ma main et posez sur mon petit cœur. Tu vois, Koé, je suis comme toi, j'ai peut-être une grande gueule, mais j'ai un cœur. Oh, elle est trop mignonne. Mais c'est gentil, ma chérie. Et qu'est-ce que t'aimes chez Koé? Oh, c'est trop mignon. Mais faut pas pleurer. Bah oui. Non, je parle à Koé. Bah oui. Arrête de parler. Tu peux arrêter de parler, s'il te plaît. Je vous laisse entendre. Elle essaie de te le dire gentiment. Mais pardon, je parle à Koé. Excuse-moi, donc, Marie. Arrête, enfin, je te laisse. Non, mais c'est pas grave. Mais Marie, faut pas pleurer. Non, je pleure pas, Koé. J'ai des larmes qui commencent à monter au niveau du nez, là, du milieu des yeux. Ça s'appelle pleurer. Je referme mes petits yeux. Puis je serre mon téléphone et ma petite main droite sur mon petit cœur. Puis Koé, je ferme les yeux. Et j'imagine sur ton petit scooter à repartir la station de radio ce soir à 10h dans le froid. Dans le froid, mon coco. Je vais t'en Écoute, non mais c'est gentil, mais c'est pas, je suis pas Coco. Si malheureux que ça quand même. Hein. Tu sais, je pars sur mon petit scooter dans le froid, peut-être. Mais enfin, j'ai quand même un gros besoin. Il y a les poignées chauffantes. Non mais tu vois, je veux dire, il est pas si malheureux que non, ça mais non pas, plus. Mais je suis, bah, attendez, arrêtez les conneries. Je suis même pas malheureux du tout. Enlevé sur le pas, enlevé sur le pas si malheureux. Je suis même pas malheureux du tout. Non, c'est bien que pas malheureux. Je fais un métier que j'aime. J'ai le plaisir d'être libre. J'ai le plaisir de faire rire les gens. J'ai le plaisir d'aller sur scène, les faire rigoler. J'ai le plaisir de les faire rire à la radio. Là, depuis septembre, on les fait rire à la télé et on les refera encore des nouvelles conneries à la télé avec Cyril. Oui. Je fais plein de trucs. Je suis quelqu'un d'heureux et quand j'en ai marre de quelque part, je m'en vais. Donc, quelque part, je suis. Bonne solution, oui. Ben, je suis donc quelqu'un d'assez heureux, globalement. Michette, la vérité, tu fais de la peine. Non, mais. Non, je te la vérité, tu fais de la peine. Pourquoi t'as de la peine? Non, tu as Pietre, oui. Julie n'est pas. Il est là. Oui. Bonjour Julie. Bonjour. J'aime bien Julie parce que t'as une grande gueule. J'aime pas comment. Il est là, Pietre. J'aime pas Jules. J'aime pas Jules. Il a la mère Jules, c'est un mec comme Coco, mais j'aime mieux Coco à Jules quand d'accord, même. D'accord, on n'est pas pareil non plus, hein, oui, mais. Oui. Vous n'êtes pas les mêmes. Mais il y en a qui préfèrent Coco effectivement un pan d'un nom. Dans son sens, et Jules est un artiste dans mais son sens. Exactement, mais oui, complètement. Ce sont deux artistes différents. Et complètement voilà. Différents. Coé. Oui. Ce serait vraiment mon week-end, mon Coco. Dès qu'elle parle de week-end, elle repart dans le sentiment. Oui, c'est ça. Oui, non, mais je te jure, tu me donnes des fourmillements partout, quoi. Des fourmillements. Ah bah, et des fourmis partout, quoi. Ah bah, t'as vérifié, c'était pas des dans les pommes, quoi. Non, tombe pas dans les pommes. Non. S'il te plaît, non. Non, hein. Tu vois ma mère, quoi. Non, mais. Non, mais, quoi. On en coupe par quoi. Allez. Quoi. Oui. Je suis devant les papillons, là, j'ai tombé. Oh, la mère, par la Coé. Marie, je t'embrasse. Bon week-end, ma chérie. Je t'embrasse fort. Bisous, bisous. Bisous. Coé, n'oublie pas la photo dédicacée. J'oublie jamais rien. J'oublierai jamais, je te jure, j'oublierai pas. On va te l'envoyer. Voici Alonso, enfin. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Des boules sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, ce bout. On a perdu la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Dans le cœur de tous mes scores, comme Marseille, y'a pas d'âme, on lui veut la. pouvait pas passer. C'est un truc de malade. Il a cartonné avec deux titres. Vous vous souvenez de celui-là? Ouais, ouais. C'est bien, hein? Welcome! Thank you for having me. Happy to see you because j'écoute ses chansons tout le temps et là je vois. He loves your songs and now he finally meets you in person. Oh, thank you. Bonjour. Bonjour. Non, c'est bien, c'est vachement bien. Qu'est-ce qu'on se fera? On se fera celui-là dans un instant. On fera Perfect Stranger. We're going to hear this, right? Perfect Stranger. Yeah. You're going to sing this. You're feeling it. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Attends, il y a plein de questions de plein de gens, mais bon. Lots of moi, j'ai d'abord envie de savoir parce que ça y est, on le découvre en France. Il fait quoi? Il vient d'où? London. Ça, c'est sûr, j'ai reconnu. Mais... You're from London? I am from London, yeah, yeah. And what was going on before? Because we've just recently discovered you here in France. Yeah, I was born last year. Il est né l'année dernière, en fait. No, I've been making music for a long time and just kind of doing my own thing. And then last year, last August 2015, I decided to release my first song, which happened to be the cover of Fast Car, Tracy Chapman. And yeah, that kind of kick-started everything. That was my first big song. And then the world wanted to kind of hear more from me. So that's when I then came up with Perfect Strangers. En fait, il a toujours un petit peu fait sa musique, son truc dans son propre coin. Et en août 2015, il a sorti une reprise de Tracy Chapman. C'est comme ça qu'il s'est fait un petit peu connaître. Et puis ensuite, le monde en a voulu plus. Et voilà, avec la chanson qu'on connaît. Mais il est quoi? Il est compositeur, un peu DJ, un peu... What are you? A composer, writer, DJ, everything? Yeah. Everything? Voilà. Yeah, pretty much. Moi, c'est tout. Moi, j'ai dit. Bah, c'est tout. Voilà, he said it. Tiens, Mathilde, on te fait un gros bisou. Bienvenue chez nous, Mathilde. Ça va, ma chérie? Oui, ça va très bien, et vous? Ouais, ça va bien. T'es en forme? Très bien. La vie est belle? Oui, aussi. T'as un chéri? Non. Bon, on va t'en trouver un. À quoi ça te regarde? Mais je m'intéresse à mes auditeurs, enfin. Ouais, ok. He's asking her if she has a boyfriend. Bah, enfin. Which nobody, you know, it's not more business, ah, but. C'est important quand même, non? J'aime bien savoir si les gens sont heureux, s'ils vont passer le week-end tout seuls, si Mathilde va se faire un petit cinéma toute seule, un petit Bridget Jones, ou si elle va être avec son chéri. Donc je vois, ça va être Bridget Jones. Voilà. Bon, vas-y Mathilde, voilà. Pose ta question. Donc moi j'aurais aimé savoir si elle aurait aimé faire un featuring avec un artiste français. She would like to know if you would want to do a featuring with a French artist. Definitely. In terms of singing or production? En termes de chanson ou au niveau de la prod? Ou les deux? Chanson. Singing. Yeah, definitely. Any names? Any names? wow. I'm just trying to think if it would be someone old school or new school. Déjà, alors, il essaie de savoir si ce serait quelqu'un plutôt de old school ou new school. That's a really random one. Do you know who I'd love to do a collab with? He's really old. Is Joe Dassin. Ah oui, bah it's gonna be a problem. I know. Il y a le visuel aussi. About one word, that's it. Il y a l'œil qui merde, c'est tout. Je te fais un gros bisou, Mathilde. Bisous. À bientôt, ma belle. Tiens, Léa. Oui. Léa. Oui, coucou tout le monde. Ça va, Léa? Ça va et toi? Ouais, t'as un chéri? Non. Mais quoi? Mais elles sont pas de chéri, n'empêche. Hein. Qu'est-ce que ça? Ça va en faire du monde chez Bridget Jones ce week-end. Non, je vais pas le voir. Pourquoi t'aimes pas? Si, mais bon, il y aura trop de monde alors. Non, puis c'est pas un film énergie donc. Non, puis c'est pas un film énergie. Ouais. C'est pas un film pour les plus jeunes non plus. Non. John, tu regardes ça quand t'as 30 ans. Moi, j'y vais ce week-end. Voilà, ben voilà, c'est pour les trentenaires de désespérés. Pour les mifs. J'y vais avec Steph. C'est pour les trentenaires désespérés qui ont une vie sexuelle de merde. Oh, c'est pas vrai. Talking about Bridget Jones. Bah, c'est pas vrai. Bah, un peu quand même. Bah, non. Alors, tu vas le voir. Du coup, tu vas le voir. Je l'ai déjà vu. Bon, bah alors. Ça résume bien. Vas-y, Maléa, pose ta question. Je te présente John Hasbro. Aïe. Jonas. Aïe. Tu t'es fait mal ou quoi? Aïe. Non, mais je sais pas parler anglais, alors voilà. Non, moi, je voulais savoir quelles étaient ses inspirations et les musiques qu'il écoutait en ce moment, à part les siennes, évidemment. Obviously, besides your music, she wants to know what music you listen to nowadays and what are your inspirations? I listen to actually a lot of old school R&B. My music is heavily influenced. Écoute beaucoup de R&B un peu old school et d'ailleurs sa musique est pas mal influencée par ce genre de son. C'est ce que j'écoute moi aussi, j'adore. Yeah, a lot of old school R&B. As I'm a musician, that's kind of a lot of like the chord progressions that I use. So I love my R&B and then like new people like Calvin Harris, DJ Snake, Diplo. Ça c'est pour les nouveaux. Yeah. Voilà. Voilà ma belle. Ce genre de DJ. Okay, merci fort. Beaucoup. Gros bisous, Piski. Bisous. Il était déjà venu plein de fois à Paris. Londres, Paris, ça se fait tout le temps. Yeah, ça. You've been to Paris a lot, right? Because yeah. London's pretty close. Yeah, exactly. Yeah, yeah. I played a really cool club here called Zigzag. Il a joué dans une boîte qui s'appelle le Zigzag. Un club échangiste, c'est très, ça. Très cool. It's a swingers club. Is it? Et il a eu un doute, Zigzag. I didn't stick around long enough. Il n'est pas resté assez tard pour voir là, le suite de la soirée. Il était trop concentré. Il est parti trop tôt, c'est dommage. You were too focused on the music. I was, yeah. Bon, en attendant, imaginons. Il parle pas français du tout. Tu parles pas français. You don't speak French at all. Comprends un peu ou pas? I don't. Do you understand a little? Alors imagine. It's bad, isn't it? Alors imagine. Et là, je vais demander à ma traductrice de ne pas traduire. On va te donner des situations, mais on ne te traduit pas ce que tu entends. He's gonna give you situations, but I'm not allowed to translate what's going on. Oh non. Ok. Alors si tu vas. Imagine. On sort là d'énergie et on hèle un taxi dans la rue. Ça, tu peux ça, le traduire. Tu peux, okay, so imagine you go out on the street and you try to catch a cab. Mm-hmm. Et là, le taxi fait. And this is what the cab will do. Wesh ma gueule, tu vas où? Ah, Champs-Élysées, c'est pas assez loin, frérot. Ah, prends un Vélib, casse pas les couilles. D'après toi, on peut monter dans le taxi ou pas? According to you, can you get into the cab or not? It... According to what he just said. No. Dire no. Il a raison. Il a raison. Non. Non, c'est pas au bon accueil, je note. No. It wasn't décide, very welcoming. On no. décide de prendre le métro tous les so deux. You decide to take the subway. On okay. arrive sur le quai. You get onto the subway rail. En raison d'un mouvement social, parce qu'on n'a plus le droit de faire la sieste pendant les heures de travail, tout le trafic est interrompu sur la ligne jusqu'à nouvel ordre. D'après toi, ça vaut le coup d'attendre le suivant ou on se bat? Okay, they just said that there's no more trains, so according to you, is it worth it waiting for the next one or you should just get out of there? Oh. C'est dur, hein? Ouais. Bah oui. Ah, mais c'est juste avec le son. Juste with the sound. Ah, d'accord, nous on va à Londres. Ouais, c'est pas juste des débrouilles. Well, we go to London, we don't understand what's going on either. It sounded quite pleasant, so. Elle avait l'air assez plaisante. I'm gonna say she's saying stick around for 10-15 minutes. Il pense qu'elle dit restez encore 10 minutes, un quart d'heure. Ah non, elle disait. Non, elle disait on strike as usual. Right. C'est bon. Il y a des pièges. Alors, on va boire un coup sur une terrasse ensoleillée. So you go have a drink on a very cool terrace, you know, with sunshine. Sur les Champs-Élysées. On the Champs-Élysées. On prend deux Coca Light. You order two Diet Cokes. Désolé les pauvres, pour cette table, faut commander du champagne. Hein. Les tables Coca, c'est à l'ombre à côté des chiottes. Est-ce que d'après toi, on peut rester là ou pas? According to what you just heard, can you stay there or not? Oh, can you? It sounded like the Diet Coke was flat. Not like if you could stay there or not. Il a cru comprendre un truc par rapport au Coca Light, pas si on peut rester ou pas. Could you stay there? No. Non, il va dire non. Non, c'était la table champagne. They said it was a table where you have to order champagne or else you go by the toilet. Enfin, did I get that one? Did that count? Because I said no. Bah, il a dit non, donc il a gagné en fait. Il y a rien à gagner. Hein, There's no prize, by the way. Enfin, you won. Enfin, on est là, on dit à nos copines qu'on va faire un petit jogging au Bois de Boulogne. So you tell your girlfriend you're going to go for a run in the Bois de Boulogne. Mais en fait, on va voir d'autres filles. But in fact, you're going to go see other girls that are also in the Bois de Boulogne. Et là, do you understand? Yes, I think you know what I mean. Yes. Et là, il me regarde. Laissez-moi continuer mon histoire. Oui, oui. Et là, and there, une jeune femme nous dit. A young lady says. Salut les chéris, vous voulez goûter vos zizio? D'après toi, on y va ou pas? Should you go for it or not, according to you? Do you know what? Because we're live on air, I'm gonna say no. Ouais, parce qu'on est en direct, il va dire non. Ah, sinon, tu serais allé. Il aurait dit yes. Traduis ce qu'elle a dit quand même, la dame. Elle a dit quoi, un truc avec le zizi? Elle a dit, tu veux goûter mon zizi? C'était il ou elle? C'était il. It was a she, male, saying, do you want to taste my, you know what? Il faut y aller! No, because I said no. I said no first. In France, we say coquinou. Naughty boy. Coquinou. On se fait le titre en live ou pas? Allez, do it live. Let's go, ready? Comment s'appelle le chanteur? Il s'appelle J.P. Cooper? Ouais, c'est ça. J.P. Cooper. J.P. Cooper. C'est Jean-Pierre, c'est Jean-Paul. Yes, that's right. J.P. Cooper, yeah. J.P. Cooper. J.P., how are you? C'est la voix qu'on entend, hein? C'est la voix. C'est la voix originale, oui. D'où il vient? Where is J.P. from? Manchester. Manchester. Manchester, yeah.